Et bonsoir, en manchette ce soir, on parle des dangers, des ouragans, des éléphants et de Tinder. Et ils s'en souviennent en crise, vos chroniqueurs, Gaël Corbuz, Antoine Lavigne, Marie-Pierre Simard, la reine et Céréal Killer, ainsi que notre invité, le monologuiste, JF Denomé. En direct du Nouveau, vous n'oublierez jamais ce 70%. Ça a commencé il y a plus de 9 ans, le nez collé devant l'écran, un grand enfant ne pouvant s'empêcher de partager des chansons et de fonder ce qui doit se fêter. Douteux.org, 70% et toujours toutes ces dents. Merci Marianne, qui est notre house band à elle toute seule. Bienvenue à ce 70% très spécial. Spécial oui. En est. Tommy n'est pas là. Oui, effectivement. Donc ça le rend, je pense, elle bonifie le 70%. On va éviter un désastre ce 11 septembre. Oui, en y plongeant directement. Évidemment, on peut pas éviter la date. Donc oui. On est bel et bien le 11 septembre. On est quoi? 16 ans. Je ne suis pas très bon avec les chiffres. C'est facile, tu pars de... t'enlèves un. Oui, c'est vrai. T'enlèves un? Ben, il y a raison. 2001, fait que t'enlèves un. Ben, c'était en 2000. On était en 2007, fait que t'enlèves un. Ouais, ça fait 16 ans. C'est en mathématiques en tabarnak. On a tout appris quelque chose ce soir. Alors, merci. Passez une belle soirée, tout le monde. Évidemment, Sam Bergeron, qu'on remercie précédemment, a dit quelque chose que je voulais justement faire ce soir, mais faire une petite twist, c'est où est-ce qu'on était le 11 septembre? Ah, yeah. Hein? Non, mais... Mais la twist, c'est que je veux savoir dans quelle matière vous étiez. En quelle matière? Écoute, moi, j'étais en deuxième année au primaire, puis je me rappelle pas exactement, je faisais quoi, mais je me rappelle qu'il y a comme eu une minute de silence. Puis moi, à 34 secondes, j'ai fait un bruit de pète. Ah, t'as bien fait. Alors, sérieusement, ah, c'est le meilleur. Puis moi, je me rappelle de cette minute de silence-là que j'ai gâchée, mais personne d'autre s'en rappelle ben dans non, clairement, classe. Clairement, mais non, t'as bien fait de faire le pète. Pourtant, hein, never forget. C'est là qu'on va voir vraiment la différence d'âge. Moi, j'étais au cégep pour la deuxième fois. Et je me rappelle pas du cours, là, ça devait être philosophie. J'ai redoublé philosophie souvent parce que j'étais dans le regroupement étudiant. Puis la philosophie, tout le monde sait, c'est cave. Et on est allé chez une amie, justement, aller visionner ça directement, là, à côté du cégep de Saint-Hyacinthe. Shout-out au cégep de Saint-Hyacinthe. Party d'attaque terroriste. Oui, ouais, c'était là, fun. Au moment qu'on est arrivé chez elle, la deuxième tour n'était pas tombée encore. Fait qu'on était encore sur le... Vous l'avez mangé d'en face. Exactement, on l'a vu live. Là. On a fait, ben voyons donc. Moi, j'étais dans le quatrième avion, en fait, que finalement, on s'est tout dégonflé puis on a décidé de laisser faire. Ah, c'est fun. Celui qui est allé, genre, juste sur le côté. Là. Ben, celui qui a atterri, là. Ah, OK, celui que tout le monde a fait. Personne n'est au courant qu'on en parle pas, là. Exactement, c'est ça. OK, gang, là, on se ferme la gueule, là, on n'en parle pas. C'est ça. Ah, c'est cool, ça. J'aimerais aussi faire quelque chose avant qu'on commence l'émission officiellement. Moi et Bruno, on était au FME. On a fait 70% au FME pendant quatre soirs de temps. Il y a quelque chose qu'on a fait ce soir-là qui était extrêmement désagréable, selon les dires de toutes les gens qui étaient à cette radio-là. Et je me suis dit que c'était bien de le ramener ici et qu'on n'avait pas le temps de, tu sais, que je veux dire, qu'on n'avait pas le temps d'attendre pour qu'on le fasse. Donc, je vais faire, dans le fond, ce que je veux faire avec vous, le monde à Montréal, je veux qu'on fasse l'humour ensemble. Donc, on va faire l'humour ensemble. On s'est pratiqué beaucoup. On a fait beaucoup d'humour ensemble à Rouen. Qu'est-ce que ça on va le faire ici. Donc, Mathis, si tu veux m'amener... Oh non, tabarnak! Mathieu, non! Fais pas ça! Fais-nous pas ça! Alors... Tabarnak! Alors, on va faire l'humour ensemble. C'est Doris Lussier. Doris Lussier était le père Gédéon. Shout-out à Doris Lussier! Ben, il est mort en 93. Il a même pas connu. Lui, le 11 septembre, il était en terre. Là. Fait que... Pensez-y. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va parler, c'est... évidemment, c'est un livre d'humour. C'est très important de comprendre ça. Il a incarné beaucoup de talent, beaucoup de succès. C'est un humoriste inimitable, c'est écrit en arrière, avec une verve et une drôlerie inouïe. Oh, il disserte en toute liberté de manière délicieusement scandaleuse, sûr. Et on y va. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va... C'est pas ce que tu penses, Bruno. Non, mais Chris, c'est écrit à lire absolument en arrière. Exactement. Ça, c'est important. Ça. Et voilà. Yvon Deschamps l'a lu. Dis-toi ça. Clairement, parce que Doris Lussier est un grand. Alors aujourd'hui, ce qu'on va parler, on va parler des mensonges joyeux. Alors, on y va. Mon curé m'a toujours dit que c'était les moins graves, des péchés véniels tout au plus. Et inévitable, il faut le compenser. Car qui n'a pas dans sa vie raconté de temps à autre de ces petites menteries inoffensives qui ne font de mal à personne et qui nous dépannent, au moins provisoirement. Il reste que celui qui fait un mensonge est un menteur. Et ça, c'est pas beau. Les pires menteurs, d'après des statistiques scientifiques, seraient les hommes. Moi, qui connais bien le mari de ma femme, je serais enclin à croire que c'est un peu vrai. Je connais même des hommes qui sont tellement menteurs qu'on ne peut même pas croire le contraire de ce qu'ils disent. De mauvaises langues ont aussi prétendu que les femmes étaient menteuses. C'est un mensonge. Elles le sont moins que nous. Quand elles le sont, elles le sont bien mieux que nous. Elles, au moins, savent habiller un mensonge. Tandis que les nôtres sont gros comme des sabots et ne trompent personne, surtout pas les femmes, qui ont une intuition de voyante quand il s'agit que de ce qui les concerne. En écrivant cela... Merci. Wow. Merci. En écrivant cela, je pense que à cette scène, aussi loufoque que véridique... Ça, c'est leçon 2017, on va l'expliquer. Non, mais ça prendrait des rires en canne à la place. Dis de même, ça a l'air plate, que tu vis avec des rires en canne, ça serait malade. C'est sûr. Où est-ce que je t'ai rendu? Je vais te recommencer, on l'a manqué, là. En arrivant cela, je pense à cette scène aussi loufoque que véridique qui se passait récemment au domicile d'un couple d'avant-garde dont l'épouse se trouvait un soir en compagnie de son amant. Tout à coup, au beau milieu de leurs ébats galants, le téléphone sonne. La dame va répondre, tient avec son interlocuteur une conversation naturelle et parfaitement détendue et revient souriante sur son champ de bataille. Qui est-ce? C'est que j'ai hâte que Tommy revienne. Qui est-ce? S'enquiert l'amant un peu inquiet. C'est mon mari, répond la dame. Il m'a dit qu'il rentrerait tard ce soir parce qu'il est en train de jouer aux cartes avec toi. C'était ça le punch? Ouais. Putain! Alors, le livre de joke-là est la cause de suicide de Robin Williams. Probablement. Il l'a découvert à 2,99. Il a lu ça, il a fait « fuck that shit », il s'est pendu. Je vais juste faire un... Un segway, vas-y. Ouais, un gros segway. Ben, pas un segway, mais je viens de me rappeler qu'on a ce soir aussi, on a un artiste invité à tous les lundis. Et j'ai complètement oublié de la présenter. Ton nom encore, c'est? Valérie. Alors, on a Valérie ici qui va faire, dans le fond, un dessin, un portrait ce soir et qui va probablement parler de Doris Lussier parce qu'on vient d'en parler. Et, oui, sûrement. Clairement. Et ce portrait, évidemment, ou ce dessin sera vendu à l'encan plus tard. Et il ne faut jamais oublier que les revenus vont directement dans les poches de l'artiste. Donc, c'est très important. On ne se garde pas de cote. Non, jamais. Jamais, jamais, jamais. En tout cas, pas là-dessus. Promis. Alors, désolé pour cette très longue introduction. Ben oui, mais en même temps, tu disais, on présente un humoriste, on va commencer avec de l'humour un peu. Ben, hein? Ben je voulais le mettre à l'aise. Ben oui, c'est ça. Dans son alors, je suis à l'aise. Jeff Dénommé, bienvenue parmi nous. Ouais, alors, si on peut applaudir notre invité. Yeah! Comment ça va? Ça va bien, hein? J'ai une grosse semaine, je suis quand même pas mal occupé. J'ai parti ma soirée d'humour au Comedy Works, on a eu la première l'autre fois. C'était vraiment nice comme soirée, c'est à chaque semaine. Puis pour vrai, je trippe quand même. Ben, j'ai vu que c'était quand même sale comble la dernière fois, donc ça, c'était ben bien. Ben ouais, on a attiré quand même pas mal de monde. C'est juste voir si on va réussir à attirer le monde à chaque semaine. C'est plus Qu'est-ce ça. Qui fait que c'est différent à d'autres soirées d'humour? Ben, y a le truc que c'est vraiment un comedy club, en fait. Fait que c'est pas une soirée comme dans un bar. Quoique les soirées dans les bars sont aussi cool aussi. Là. Ah ouais. C'est vraiment nice. Y a pas de truc qui est vraiment tu différent. Tu vends vraiment bien ta soirée en ce moment. Là, non, mais c'est vrai que toutes les soirées sont nice. Mais c'est un triste de beau comedy club. Là, mais en plus, c'est un bilingue. Là. Non, c'est pas une soirée bilingue. Ben, c'est un comedy club anglophone. Mais là, on fait la première soirée francophone. Okay, c'est ça. Ben, comme de l'histoire du Comedy Works. Ah, l'invasion. Ouais, je me sens comme un colonisé. Mettons. J'arrive avec mon drapeau. C'est en français. C'est comme ça que ça marche. Non, l'humour, c'est comme ça que ça marche au Québec. Ouais, je comprends. Ah, ben c'est bien. Puis je sais que tu as souvent participé ici. Tu as été un de nos. Ben, puis tu l'es encore. Là, je fais souvent les premières parties ici. C'est quand même nice parce que ça ressemble à tout sauf à un vrai show. Oui, clair. Fait que t'arrives ici, tu testes les jokes, le monde commande en même temps. Mais en même temps, c'est ça qui est nice. Tu veux pas leur dire de se fermer à la gueule. Ouais. Ils viennent d'arriver. Non, mais c'est vrai, exactement. Tu tiens ton bout, tu fais tes gags, tu continues. Puis c'est un beau banc d'essai. Genre, c'est une belle place pour, mettons, tester la confiance que tu as vraiment dans tes jokes ici. C'est vraiment pour ça. C'est comme un gym. Tu forces pour rien, puis tu sors devant une crowd qui a un peu plus de bon sens, puis t'es comme Chris, que c'est facile. Non, ben voilà. Non, mais pour de vrai. Non, mais c'est exactement puis si tu ça. Réussis à faire rire aux douteux, c'est quand même un plus. Là. Ouais, mais qu'est-ce qui marche aux douteux, ça marche pas nécessairement ailleurs. Clairement, j'ai remarqué là. Ça là, quand même. Des jokes, une joke de VHS ici, t'as un standing ailleurs, ils s'en crissent un peu plus des VHS. Clairement, en général. T'as juste dit VHS. Non, c'est ça, ça regarde, tu veux comme. Ouais! Ah, mais parlant de VHS, moi, j'avais amené un cadeau pour Tommy, mais ça peut être à toi aussi. C'est, attends, c'est dans mon sac. C'est, dans le fond, c'est un guide de VHS. Ça te montre comment le VHS GVC, ça fonctionne. Ah, le HRJ410. Mets ça dans l'encan, ça doit valoir 10 000 piastres ici. Je vais probablement faire, oui. Fait que, hey, ben merci. Évidemment. J'imagine qu'il va le ramener pour une chronique pour le lire parce que c'est un peu ouais, son genre. Ouais, c'est mon ouais, c'est pas ce que tu veux. Mon ch'tic, c'est de faire des affaires plates. Ouais. Mais qui existe, par exemple, c'est ça qui est important. Pour garder un peu l'esprit de 70%, est-ce que tu joues à Pokémon de Trading Card Game, toi? Non, mais j'ai joué à Pokémon Stadium au 64. Ah, je suis quand même pas si loin. Quand même. Puis toi, les Pokémon Dark, toi, t'es correct avec ça, toi? Mais qu'est-ce que tu veux dire par Pokémon Dark? Genre ben, Coffee, les... genre les non, méchants? Non, mais il y a une marque, là, tu sais, ils ont inventé ça. Avant les Pokémon Fairy et tout ça, il y avait les Pokémon Dark. Tout le monde suit, là, encore? Ouais, ben moi, je connais les Pokémon saison 1. Tu sais, quand il y en avait 150, mettons, là, genre... Toi, t'es un... Attrapez-les tous, tu sais, celle-là, là. Ouais. Je suis plus cette génération-là. Tu crois pas, aux 600 autres. Ceux de l'époque où est-ce qu'on pouvait vraiment les attraper tous. Là. Ouais. Il y en avait de la bonne quantité. Ouais, ben c'est là. Puis H, il choue lamentablement quand même. Ouais. Même s'il y en avait pas beaucoup, il y en a comme 4, 6, je sais pas combien, mais il y en a pas beaucoup pour un tour toutes les attraper. Là. Stupidement, la toune dit qu'il faut toutes les attraper. Le job de H, c'est pas de toutes les attraper. Non, c'est ça, lui, il veut juste devenir le meilleur. C'est pas un collectionneur, ouais. Non, il veut battre. Il veut battre les meilleurs. Ouais, ben c'est... Ça, je pense que ça fait un peu trop. Il veut gagner toutes les badges pour devenir le meilleur des meilleurs. Le meilleur dresseur, mais il veut pas forcément être le meilleur collectionneur. Dresseur, c'est ça qui est weird. C'est que lui, il veut être le meilleur collectionneur, mais dans Toon, il dit qu'il faut toutes les attraper. Ouais. Fait que tu veux être le meilleur collectionneur ou le meilleur dresseur? Pikachu rentre même pas dans sa Pokéball. Comme dresseur, il est moyen. Ben, si tu les avais toutes et tu les avais toutes dressées. Ouais, là, t'es sacré. Ouais, le meilleur dresseur. T'es comme l'autre, là, le rival de H, qui est genre une petite coche meilleure que lui. Pinoy, à chaque saison, parce qu'on est rendu à 9 saisons, genre de Pokémon de télévision, là, à peu près. Puis à chaque. Bon, regarde, tu veux 20. Ouais, il me semble que ça fait pas mal plus longtemps que ça dure. Puis à chaque fois, quand il s'en va dans une autre place, il wipe ses Pokémon. Il n'existe plus. À part Pikachu, là, tous les autres sont wipés. Ah ouais? Lui, il dit que ça reste à la maison en arrière, mais c'est pas vrai. Il les a vendus sur Kijiji, là, c'est sûr. Ouais. Ça fait du sens, ça. Est-ce que quelqu'un veut m'acheter mon Charizard? Là, peux-tu vendre ça dans un pawn shop, genre? Tu peux le trader. Ouais. Ça marche sur les échanges. Je pense que t'as pas le droit de vendre des Pokémon, mais t'as le droit de vendre des Pokéballs. Puis tu peux c'est vrai que dans ce monde-là, il n'y a pas de black market. Non, mais c'est juste il n'y a pas de black market de Pokémon, genre, ça existe. Sur eBay. Non, mais sur eBay, tu peux acheter un chien sur Kijiji, I guess. Oui. Mais dans ce monde-là, les Pokémon, c'est des animaux. Fait que ça a même cadré. Puis j'en ai parlé avec ma blonde, justement, pas récemment. Moi, ce que je trouve bizarre, c'est que comment ça se fait que dans ce monde-là, il n'y a aucun Pokémon qui a tué quelqu'un? Il n'y a aucun Pokémon qui a tué un enfant, là, genre. Bah, c'est sûrement déjà arrivé, mais si on n'en parle pas. Ben, c'est ça. Tu veux pas. Conspiration. Tu veux pas apprendre que Onyx a défoncé quelqu'un ben, c'est sûr qu'Onyx, il a défoncé quelqu'un violemment. Il mesure 10 mètres, le calis. En tout cas. Hey, ben, c'était le fun de parler de Pokémon. Si tu veux, on va commencer la soirée, mais je pense que tu connais très bien 70% ça marche. On va avoir des chroniqueurs qui vont venir avec des affaires variées. Ils vont tous lire mon livre. Un à ceux de l'autre vont lire un bout de mon livre. Viens faire l'humour. Donc, on va commencer avec notre premier. Donc, si tu veux bien, Marianne, nous starter ça. Yes! Bruno, avec ton cœur et tes nouvelles exceptionnelles, de petits voleurs, de dépanneurs, Darwin Award, tout ce qu'il y a de meilleur, Bruno, tu donnes un break à nos cerveaux. Je pense pas que tu donnes un break à nos cerveaux, ben. J'essaye. OK. Lors d'une date Tinder qui allait assez bien, une femme de Bristol au Royaume-Uni a eu besoin d'utiliser le petit coin alors qu'elle était chez sa date qu'il avait invité chez lui. Après que la toilette ait refusé d'obtempérer au moment de tirer la chasse, la jeune femme a décidé de prendre du papier de toilette, de ramasser sa crotte et de la pitcher par la fenêtre. honteuse, elle a ensuite confessé ses actions à sa date qui a vite réalisé que sa crotte n'était pas tombée dans le jardin, mais plutôt entre ses deux fenêtres. La jeune femme acrobate amateur s'est alors portée volontaire pour aller chercher le dit étron entre les deux fenêtres. Après deux tentatives infructueuses, elle a finalement réussi à se coincer totalement entre les deux fenêtres, forçant sa date à appeler les pompiers qui ont mis 15 minutes et ont dû casser la fenêtre pour la sortir de là. Les deux tourtereaux ont eu une deuxième date. Ah! Oh, ben, j'avoue qu'après un événement comme ça, tu fais comme « OK, là, on a passé l'étape de gêne. » Ouais. Tu peux rien faire de pire que ça. C'est... C'est dans le top, là. Tu top, peux, ouais. Tu peux rien faire. Genre là. Tuer son chat, mettons. Ouais, ouais, mais moi, je déteste les chats. Fait que si tu tues un chat, si c'est clair que je suis en amour avec toi. Ça. Enfin, quelqu'un m'en débarrasse. Je déteste les chats, mais j'en ai un. Puis si tu viens le tuer... Ah, mais ma blonde, on a deux chats. Si tu viens tuer ses chats, on fourre ensemble, Bruno. Cool. Elle s'en vient tantôt. Le résumé. J'ai hâte de voir ça. Un homme tentait de prendre un selfie avec un éléphant quand le prévisible est arrivé. L'homme de 54 ans a été écrasé par le pachyderme. Selon les autorités, l'éléphant était déjà agité avant l'incident. Ah bon. L'homme a été transporté à l'hôpital où il était prononcé mort quelques temps après. Ben moi, ça me surprend pas. Là. L'humain est un peu tata en général. Je sais pas, j'avais jamais remarqué. Il y a un bel éléphant, on prend un selfie avec, puis là, ben Chris, tu meurs. Là. C'est comme, il y a deux dudes qui sont allés dans la jungle filmer un gorille, puis là, t'as le gorille qui arrive, puis juste, il est défoncé. Il a couru après eux autres, puis comme, oh non, puis il était surpris, puis finalement, ils ont Dieu fait... sait que ça l'aime pas ça, se faire filmer les gorilles non, en plus. C'est tellement self-conscious par rapport à leur image. Ils l'ont juste tué parce qu'eux, ils ont fuck around avec le gorille. Le gorille, ils les ont knockés. Fait qu'ils ont fait genre, ah, s'il est dangereux, ils ont shot down le gorille. Comme ça, ça marche. Vive les humains! Moi, ce que, moi, ce que j'aime, c'est qu'il était déjà agité à l'avance. Fait qu'il avait comme pas catché qu'un éléphant qui fait ça de même, qui tripping. Tripping. Oui, tripping. Plus de 54 000 personnes s'étaient déjà inscrites à l'événement Facebook Tirons sur l'ouragan Irma au moment où il avait traversé les Keys en Floride. Maintenant, les autorités de la Floride préviennent les gens que de tirer sur le phénomène naturel serait au mieux mal avisé. En effet, contre-productif. En effet, tirer sur un ouragan ne l'empêchera pas de s'approcher de vous et peut même vous mettre en danger, premièrement parce que des gens tirent en l'air dans le vide, en pleine rue, et deuxièmement parce qu'ils s'exposent à un ouragan. Donc... Restez en sécurité, Floride. Ça, c'est vrai, mais je suis sûr que tout le monde ici, quand son ordi buguait, a déjà fait un fuck you à son ordinateur, genre fuck you tabarnak, marche, esti. Fait que ça, c'est juste une version plus redneck. C'est. Un peu. Oui. Mais sauf que, mettons que tu tires dans un ordinateur, il est pas en train de s'en venir vers toi avec tuer, des vents à plusieurs centaines de kilomètres heure. Je suis d'accord avec toi quand même. Il y a des chances que si tu tires sur l'ouragan avec un angle et une certaine distance, il va peut-être faire ça le va tour, peut-être revenir de bord. Ouais, c'est ça. Non, on sait jamais. Après, hein. Tu te fais courir par ta propre balle. C'est pas très. C'est pas très quelque chose de beaucoup trop Looney Tunes dans quelque chose. Mais puis j'ai vu l'image, ça c'est très beau. Là. Tu vois vraiment comme le monde qui tire sur le. Oui, c'est ça, c'est une simulation de en 2D. Que c'est, ouais. Il y a moyen de vendre ça à des touristes. Il y a moyen de vendre ça. Tirer dans l'ouragan. De voir l'ouragan, tirer dessus. Ou encore, juste, moi, je ferais plus un comme un espèce d'ouragan. D'événement sportif de genre sauvez-vous de l'ouragan. T'sais, vous n'êtes pas capable d'être discipliné. Comme avec les taureaux en Espagne. Genre, ça serait une bonne idée, ça. Wow. Ben, on les gear au pire, là. Tu leur mets des, je sais pas, une armure. Non, tu leur fais signer un release, puis après ça, qu'ils mangent de la merde, c'est tout, là. c'est tout. Gagner la course qu'on peut. Arbrasque, tu dis, t'es pas responsable, si tu tombes, tu signes ça. Fait que l'ouragan, same shit. Hurricane Race. Il y en a-tu d'autres? Ben ouais. Ça va être ça pour tout de suite. Wow! Bon, ben, wow, hein. Crime! Wow! J'ai fermé mon téléphone. C'est correct. Écoute, on va passer au prochain. Tu veux-tu caler le prochain chroniqueur? Ouais, on passe au prochain. Je joue une petite toune. Let's go! Gaël! Salut Gaël! Bonsoir! Comment ça va? Bien, ça va bien. Fait que donc, ma première blague ce soir... Tabarnak! Tu veux pas faire ça. That's it. Je te jure que tu veux pas faire ça. OK, c'est correct. Bon. Alors, ça va bien, Andy? Oui, ça va bien. Oui. Alors, Andy, donc, qui dit 11 septembre, dit une date sur le calendrier. C'est vrai. Et, je confirme. Qui dit 11 septembre, dit aussi États-Unis, donc mauvais remake. Donc, ça, c'est mon lien pour faire dire que j'ai écouté Death Note, le remake sur Netflix. Shit, ouais. Et ça m'a donné des idées. Je trouvais que c'était un bon concept, le concept de livre que tu écris des affaires dedans, puis c'est magique. Fait que ben, ma chronique porte là-dessus. OK. Donc, Amenzu. Je me suis dit, je me suis imaginé certains d'autres notes, carnets qu'on pourrait faire. Alors, ça serait, mettons le premier, hein, un livre où tu écris le nom d'une personne, puis elle se réveille avec la coupe du chanteur de Twisted Sisters. Wow. Ça serait le Spray Net Note. Ça serait. Es-tu pogné avec toute sa vie ou es-tu pogné avec toute sa vie ou elle peut aller voir un coin? Il faut que tu réécrives l'autre, le nom d'une autre personne pour qu'elle puisse transmettre sa malédiction capillaire. Ok, ça se transmet. Ça, tu viens juste d'y penser là parce que je t'ai posé totalement. La question. Hein? Tu peux pas en avoir huit qui ont la même coupe. Là. Non, non, non, okay, il y en a juste un. Okay, juste on passe au prochain. Un livre où tu écris une adresse d'une maison puis la tuyauterie fend en deux, c'est le Calinette Note. Il y en a combien de ça, juste pour nous préparer? Là? Une quinzaine, à peu près. OK, le prochain. Un carnet où tu écris le nom d'une personne puis elle se met à souffrir du syndrome de choc post-traumatique pour avoir des flashs de guerre, des flashbacks de guerre en public. Ça, c'est pas dit. C'est le Viet Note. C'est un livre où tu écris le nom d'une personne puis le montant d'argent qu'elle va devoir rembourser au cartel mexicain, le Death Note. Ah oui. Alors, regardez-moi un carnet où tu écris le nom d'un comédien, puis ça y est, on le voit plus nulle part. C'est le Robert Brouillette Note. Ouch. Ça fait mal, ça? Wow. Un livre où tu écris le nom d'un gars, puis tout ce qu'il boit goûte la pisse après. Tu sais, c'est le Cold 45 Tablette Note. Non, on continue, Andy? Ouais. Un carnet où tu écris le nom d'une personne puis il déménage dans une ville sans espoir, peuplée de monde sur la pof. Donc, le hashtag Vive à Joliette Note. Le hashtag est important. Hein? Oui. Je trouvais qu'il rajoutait quelque chose. Là. J'y ai pensé pour vrai. Un bouquin où tu écris le nom d'un gars, le nom de sa date puis la date de leur première rencontre puis ça scrape toute l'affaire. T'sais, qu'est-ce que tu crisses au resto en bobette, Note? Au resto en bobette? Ouais, c'est ça, ça se crappe. Ça se crappe la première date. À moins que tu sois comme, tu sais, comme un ouais, ouais, ça, c'est pire que la marde dans la porte, je pense. Au resto, en bobette, c'est... Ben, non, je trouve que l'autre, il y a quand même quelque chose de... Magique. On pourra s'en reparler après. Hein. Ouais, c'est ça. Okay, vas-y. Un carnet où t'écris le nom d'une personne puis elle fait juste des choix de marde dans vie. C'est... Je vais prendre un café vanille noisette note. Je te trouve dur avec le café noisette. Ensuite, t'as un livre où t'écris, t'écris une joke que t'es écœuré d'entendre, puis le prochain qu'elle raconte meurt. T'sais, c'est le pète puis répète note. Je serais mort depuis longtemps. Hein? Un livre où t'écris le nom d'un gars, puis il devient la pire personne avec qui parler de musique. Il n'y a rien eu de bon depuis Roxette note. Roxette, hein? OK. Un livre où t'écris le nom d'un gars, puis il se met, puis d'un party, il se met à parler du 11 septembre d'un chemtrail, puis à défendre Guy Cloutier. C'est comment faire un fret note. Comme là. C'est exact. Un carnet où t'écris le nom d'une personne, puis il devient juste le pire voisin ever. T'sais. Salut, j'ai chié dans ta brouette note. Moi, à chaque fois, j'imagine l'écriture, genre, à la Death Note. Ouais, sur, là, le, genre, comme... sur le livre en cuir. Puis qui tombe du ciel, puis c'est comme, ah, qu'est-ce que bon, j'ai pas dit. Comme toute chose à une fin, je vais finir là-dessus. Un carnet où t'écris le nom de quelqu'un, puis devient nostalgique d'affaires que tout le monde se calisse. Je m'ennuie des frites du Marie-Antoinette, note. What? Et c'est ici complète ma chronique. Merci, bonsoir. Merci. Wow, hein? Ouais. Ben moi, j'ai un livre, viens faire l'humour note, ça a l'air. Là. Qu'est-ce que t'en dis? Ben moi, je pense un livre qui te rend un peu has-been, le piment fort note. J'avais juste... Moi, je pensais à un livre que quand t'écris le nom de quelqu'un, son livre, son nom se ramasse dans un carnet, c'est le carnet note. Crée ça le note note. Ouais, c'est ça. C'est comme infini. Ouais, non. On passe au prochain. Déjà, la joke était finie. Puis on a essayé de l'étirer encore plus. Ah oui, on prendrait de l'alcool. Je prendrais une autre russe, s'il te plaît, avant le prochain. That's it. C'est un grand moment de radio qu'on passe en ce moment. Maintenant qu'on a commandé tout le monde, next! God is an American. God is an American. God is an American. Donald Trump s'en vient. Hey. Bonjour Toto! Allô! Ça va bien Andy? Ben oui, c'est un... Allô Bruno! Allô, on va jaser toi puis moi? On va jaser certain! C'est une triste journée. Moi ta cravate, ça fait longtemps que j'la veux, tu le sais. Ouais, c'est clair entre nous depuis le début. Et là, je suis super bien préparé parce que j'ai écrit ma chronique sur une napkin. Oh! Puis je l'ai laissé là-bas. Oh! Veux-tu qu'on demande à fait quelqu'un que ça va de être l'année? La tête? Non, ça va être bien correct. Parce que il y a déjà 8 personnes qui sont en train de chercher. Hein, c'est ça, c'est la quête de la napkin. Ouais, c'est on a écrit dans ça le... Ça se peut que non aussi, c'est pas grave. C'est pas grave. Elle dit si, ma napkin. J'ai rien que ça dans la tête, des napkins. Tout va bien. C'est beau. Au pire, il va lire, viens faire l'humour. Oui, c'est ça. Au pire, j'ai Doris Lucier pour me sauver le cul. Tabarnak. Toujours pratique. Hey, il s'en passe-tu des affaires? Hein? Aujourd'hui, c'est une date extrêmement importante. J'ai pas besoin de le rappeler. Je pense que tout le monde est au courant. Hein, c'est le 11 septembre 2001. C'est arrivé quelque chose. Il y a un gars en avant, il y a un chandail dans le dos, c'est écrit « War is over ». C'est un esti de vieux chandail, il m'a dit, parce que... parce que c'est pas un bout. Hey, moi aussi, j'étais au Cégep. Moi, j'étais en philosophie pour vrai, je m'en souviens beaucoup. C'est le seul cours qui n'avait pas été annulé. Le prof de philo était comme « Non, non, non. Moi, je m'en vais fumer un bat, puis on va en parler, ça sera pas long. » Fait que c'était quand même intéressant. Moi, je capotais parce que quand je suis rentré au cégep, ce matin-là, c'était comme ma troisième ou quatrième journée de cégep. J'avais pas vraiment été dans... Là, puis il y avait des grosses télés dans le hall, tu sais, pour nous montrer des nouvelles. Mais moi, je pensais que j'étais comme, hey, c'est vraiment cool, il y a des TV ici dans le hall. Je pensais que c'était comme permanent. Puis ça l'était pas. Pis là, le lendemain, il y avait plus de TV. Là, j'étais comme, si, ils sont cool comme la première journée, puis après ça, c'est fini. Ça t'a-tu donné le goût de faire sauter d'autres tours? Non, mais ça reste quand même la journée où je suis devenu un peu un freak des États-Unis. C'est le ground zero de votre tragédie. Tiens, voilà. Puis c'est ça, fait que non, c'était quand même une... Tu veux que j'arrête de bouger mon micro? Ouais, mais c'est parce que ça fait du bruit. Ouais, c'est ça qui arrive. On l'entend dans le podcast. Plus, ou je l'enlève. Tu peux l'enlever, puis ouais, c'est bon ça. Hein, c'est bon ça, OK. C'est ça, fait que aujourd'hui, je fais la playlist de le set de VJ après le show, c'est moi. Puis je vous avertis, on va célébrer l'Amérique sur un esti de temps. Fait que j'espère que vous êtes prêts. D'ailleurs, en parlant de célébration de l'Amérique, je veux souligner que la saison de football est officiellement commencée. Ben oui. Donc, on est très bien. Puis le seul joueur que c'est trop controversé de l'engager dans une équipe, oui, c'est celui qui s'est pas levé. Ça, c'est absolument fantastique. Ça, c'est, on parle, mais merci d'aller là, parce que c'est une bonne, c'est une bonne piste. Puis oui. J'ai oublié ma napkin, fait que m'en apprendre. Okay? Bon. Mais non, pour vrai, parce que, écoute, c'est une ligue où on signe sans aucun scrupule des violeurs, des batteurs de femmes, ouais, des gars qui ont des guns dans le locker. Mais lui, il a fait « Non, moi, je trouve que les Noirs sont maltraités dans ce pays-là. Je me lèverai pas pour votre petite toune. » Puis là, c'est un des meilleurs quarterbacks de la Ligue. Il y a aucun contrat nulle part. Personne n'en veut. « Ah, oh, je sais pas, on est complet. » Même les Browns. Même les... Hey, les Browns sont pas en position de refuser qui que ce soit, là. Genre, si toi, t'as un pas pire bras, tu peux t'essayer, genre. Parce... Sérieux, les Browns, ça va pas bien du tout. Là. Ils ont gagné comme 6 games en comme 15 ans. C'est absolument ridicule. Les Packers sont undefeated cette saison. Hein? Je tiens à le souligner. Bon, il y a un match de jouer, mais quand même. Ben, oui. Et les Patriots sont perdus. Alors, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possible. Ça a été difficile aujourd'hui parce que 11 septembre, hein, mon côté redneck ressort. Là, je me tape... Ma blonde trouve ça pas weird du tout, d'ailleurs. Moi, j'écoute des hymnes nationaux d'avant les games. Tu sais, comme je tape, mettons, All-Star Game, Football 89. Puis là, j'écoute l'hymne national. OK, puis tu fais que ça, genre? Ben, le 11 septembre, je fais beaucoup ça. Comme une playlist de... Le 11 septembre, je fais beaucoup ça, ouais. Ouais. Wow. Mais d'habitude, je le fais avec de la bière. Oh, ouais, ouais. Là, ça fait deux mois, j'ai pas bu. C'est pas pareil, hein? Pis c'est pas pareil. Il manque un petit quelque chose. Manque écoute, d'amertume, ça fait deux mois, j'ai pas bu. Le country est rendu assez plate, là. Je suis comme, fuck. Fait que je me laisse aller, tu sais, puis j'ai des émotions à fleur de peau aussi, hein, parce que je bois plus. Fait que je les gèle pas, fait que là, j'y vis. Ça, c'est le fun. Y a-tu des gens qui, par applaudissement, les gens qui estiment qu'ils passent à peu près 80% et plus de leur temps réveillé à jeun? Vite de même. Ben, comment, là? Il y en a vraiment beaucoup. Ben, déjà, je sais pas comment... On est des adultes. Honnêtement, je sais pas comment vous faites ça. En tout cas, j'essaye tranquillement. C'est nouveau pour moi. Mais bon, comme je dis, ça fait que j'ai les émotions en fleur de peau. Et là, j'ai découvert, comme je vous dis, le country perd un peu de sa saveur. Fait que je me cherchais d'autres musiques. Et je suis tombé sur un groupe des années 80 que j'adore maintenant et qui est rendu mon groupe préféré. Les Wilson Phillips. T'en souviens-tu? C'est ouais. Écœurant. Ouais, ouais, c'est. Là, j'écoute Hold On, puis je pleure. Ouais, aussi. C'est ça. C'est un des groupes dans le Red Hot Compilation. Ouais, ouais. Oui, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. C'est magique. Là, il y a un problème technique avec mon Internet qui fait que je peux pas l'avoir pour vous ce soir, la toune. Mais je vais essayer de l'avoir pour la playlist parce que le clip est assez fantastique aussi. Sont sur la plage. Hein? Tu nous mettras l'annonce de Red Hot aussi. Ou l'annonce de Red Hot, ouais. Dans le pire des cas, où on va pouvoir avoir un cool petit bout. Rock, là, mais il n'y a pas le bout de rap dans la petite annonce. C'est vrai. Ce qui est quand même assez quelque chose. Je vous conseille d'aller checker ça. Si vous avez les émotions trop à fleur de peau, c'est pas conseillé. À moins que ça vous dérange pas de pleurer devant le monde. Moi, ça me dérange pas. Fait que je l'ai écouté. Oui. Fait que c'est ça, normalement, ça se terminerait sur la toune. Fait que vous la connaissez toutes. Fait que chantez-vous là, puis ça va être la fin de ma chronique. OK. Hold on, hold on, hold on. Ah ouais, pareil. Pareil. J'adore ça. Je connais juste le bout qui est dans l'annonce de Red Hot, personnellement. Non, mais pour de vrai, moi, je connais pas la toune. C'est qui fait ça? C'est Wilson Phillips. Wilson Phillips. C'est un ramassis de trois filles. J'étais en deuxième année, le 11 septembre, je suis plus capable. Ben c'est vrai, Chris. Hey, ben tabarnak, j'ai une bonne culture en général. C'est juste non, mais pour de vrai, c'est trois filles qui sont les filles des membres de Mamas and the Papas qui ont chanté California Dreaming, that's all. Ah, OK. Puis ils ont fait de la musique genre... douce ronde. Je vais aller sur YouTube checker ça. Ouais, ou tu peux rester tantôt, ça va jouer. Ah, ça va jouer. Ouais. Mais pour vrai, est-ce que c'est bon pour vrai non. Ou c'est bon parce que c'est mauvais? Je pense qu'ils ont eu deux tunes connues. Okay, je pense qu'ils étaient vraiment... Ben ouais, c'est ça. Il y a du monde qui sont pas d'accord avec moi dans la salle que c'est pas bon, mais ils ont pas raison. Merci Toto. On peut applaudir Toto, je sais qu'on l'applaudit à retardement. On était plus intéressé à savoir c'était quoi Wilson Phillips que d'autres choses. Ah, tu as retrouvé ta napkin? Sa napkin. Trop tard! Bon timing. OK. Fait que non, ben, je sais pas, je m'en rappelle pas. Je sais qu'il y en avait une qui était grosse, puis dans ce temps-là, c'était comme, wow! T'es un groupe populaire, qui en a une qui est grosse, c'est donc bien spécial. Mais dans De Mama, ça ne passe pas aussi, il y en avait une. Ouais, ben, exact. Ouais, ben, c'était moins épais, il me semble. Elle était moins grosse. Je sais pas, je connais pas assez bien Wilson Phillips. Ouais, ben, c'est ce que je me souviens. Wilson en Phillips, étant c'est-tu pas deux marques de rasoir, ça? Aussi. OK, c'est bon. Fait que c'est... Je pense que c'est pas ça qu'ils sont appelés comme ça. Ah, peut-être. Hein. J'ai pas d'autres questions. Là. T'as pas d'autres questions? Non, j'ai en train non toi, t'en avais-tu? Moi, j'avais... Ben, t'avais-tu des questions pour nous autres? Ben, pour tu voulais-tu autres? Nous interviewer? Ben, je peux vous interviewer. Ah oui, donc? Où sont les rebelles? Où sont non, dans après, ton j'ai... cul! Oh. Ben écoute, on va aller au prochain chroniqueur dans cette colonne. Oui. Vas-y donc, Marianne, regarde. Amène-nous donc. Marie-Pierre, Simard. Marie-Pierre, c'est Marie-Pierre, Simard. Allô, tout le monde, ça va bien? Bonjour, Marie-Pierre. Salut, comment ça va? Salut, ça va super bien, toi? Ouais, t'es-tu correct avec le... Ben, le fait qu'on faut qu'on tue tes chats ou... Ben, qu'on tue mes chats, non. Bon. Non, ça, okay. Ça je suis pas contente. Bon. J'aurais essayé, Bruno. Mais non, mais attends, t'es pas correct avec ça, mais ça, on était tous au courant avant que t'arrives ouais, ici sur ça. Stage. La question, c'est, c'est quoi ton horaire de job? Ça n'a pas de bon sens. Ouais, non, j'avoue. Ben, bonjour Marie-Pierre. Bonjour, je suis quand même contente d'être ici ce soir malgré que vous voulez tuer mes chats. parce que c'est ça, comme je suis la copine à GF, je suis contente parce que je vais en profiter pour laver mon linge sale. Tu sais, quoi de mieux qu'une chronique en direct pour pouvoir dire ce qui ne va pas bien dans notre couple? Et le gros du problème, là, c'est que GF, il est vraiment pas jaloux, OK? Tellement pas que des fois, je trouve ça plate. Tu sais, c'est toujours le fun, un peu de jalousie, de violence, pour se sentir aimé, hein? Quoi de mieux qu'un coup de poing d'en face pour se rappeler qu'on est apprécié? Et là, mon couple, il va trop bien, je sais plus quoi faire. Si il me trouve même cute quand je vomis dans mes cheveux dans une ruelle. Je veux dire, on s'aime, on chicane pas, si on a même la même passion, un peu l'humour noir. Et d'ailleurs, on devrait sûrement, notre rêve commun, c'est d'être les prochains Morissette. C'est juste que nous, au lieu de faire des jokes sur la conciliation travail, famille, puis sur l'amitié, nous, on va faire des jokes de comshot d'en face puis de viol. Parce que c'est dans nos projets, vous viendrez nous voir, c'est pas vrai partout. Quand même. Bref, j'aimerais ça qu'il me pète un esti de coche, OK? Qui m'empêche de voir mes amis, ou surtout qu'il m'accouche. Mon Dieu. Quel lapsus! Déjà? T'en parles! Oh! Est-ce que t'as quelque chose à nous annoncer? Parce que la sauce, tabarnak! C'est-tu que ça serait long? C'est pas ça que je voulais dire? T'as déjà gâché ton punch ben à oui, la fin de ta même, chronique? Ça n'a rien à voir avec l'accouchement en plus, c'est ça le pire. Qui m'accuse d'avoir couché avec son frère. Malheureusement, il n'y a pas de frère. Et malheureusement, je me garde une petite jeune avec sa mère parce que coucher avec GF en fille, c'est un peu bizarre, tu sais. En fait, c'est pas que j'ai envie qu'on se dispute en privé. T'sais, ça, c'est pas intéressant. L'important, c'est comme que ça se passe en public. Parce que vous connaissez le dicton, fiez-vous aux apparences. Là, le monde y voit que ça va bien. Fait que là, ils se disent, Chris, ça va mal. Tu comprends? Oui, oui. Fait que c'est ça. Moi, j'aimerais ça qu'ils me coupent comme les couples normaux, là, qui commencent à me crier après, qui me disent, arrête de manger devant mes amis, t'as l'air d'une grosse truie. Ou bien. Ça peut s'arranger. Ben, c'est ça. Ça arrive, c'est pour ça qu'on en parle. Je pense que le deal est en train de se passer. On est en brainstorm. Non, mais c'est bien de communiquer. Ben, c'est ça, on communique ensemble. C'est fun, ça se fasse ici. Oui, c'est ça. Au pire, sinon, ce qu'ils pourraient faire aussi, c'est commenter mes photos Facebook, écrire tes grosses pétasses qui puent de la snatch en dessous. Quelque chose du genre. Tu sais, l'important, l'essentiel dans un couple, c'est pas que ça aille bien, dans le fond, hein, c'est que le monde le pense. Merci, Facebook. Bref, c'est sûr qu'il y a d'autres façons de me dire qu'il m'aime. Tu sais, je veux dire, des fois, quand je dors, il renverse sa Guinness dans mon lit. Ou des fois aussi, quand je dors, il pisse dans mon salon. Tu sais, à chacun ses gestes d'amour. C'est malheureusement une histoire vraie. Reste que je trouve ça plate. Tu sais, même, il est tellement pas jaloux. Des fois, il me demande la grosseur du pénis des gars qui j'ai couché. Tabarnak, tu sais. Et ça, d'ailleurs, c'est un peu louche, GF. Chaque matin, je me lève et je me demande s'il va pas m'annoncer que pourquoi il est pas jaloux. Dans le fond, c'est parce qu'il est gay. En tout cas. Oh, c'est ça que ça se passe? Je sais pas. Bon, tout le monde. Non, je crois qu'il est... On a appris tantôt que c'est ça allait faire 21 ans qu'on décide. Je t'en péter une, coche. Ouais. On fout la marde à 70%. On fout la marde. Fuck that shit! Alors, c'est ça. C'est pas vraiment une chronique, mais je vais profiter du reste de ma chronique pour essayer de rendre jaloux GF avec la seule personne un peu susceptible d'y faire quelque chose, et c'est Pauloud. Wow. Qu'est-ce que je vais mettre Pauloud à la radio, il ferme la radio. C'est sûr qu'il y a quelque chose, là, moi, ça me donne de l'espoir, en tout cas. Fuck Pauloud. Depuis ma tendre enfance, je suis secrètement amoureuse de Pauloud. Un peu trop vieux pour moi, vous me direz. Il n'y a jamais d'âge pour le sexe anal. C'est vrai. Alors, avant, quand j'étais célibataire, mon rêve, c'était de faire le sexe avec Pauloud. Maintenant que je suis en couple, mon rêve, c'est de faire le sexe avec Pauloud et GF. Ça serait pour être popé, on pourrait faire un trip à trois, maintenant on approfondirait nos connaissances en jouant au cercle. T'sais, ça pourrait être, cool. Mais bon, j'ai toujours respecté sa femme Francine, alors j'ai pas trop poussé. J'ai quand même des valeurs, hein, comme mon père me disait, toutes les femmes méritent le respect, même ceux que j'ai kidnappés. Moi, je suis ce que mon père me dit. C'est sûr qu'il a l'air d'apparence un peu plus âgé que moi, t'sais, mais moi, en fait, ce qui m'excite, c'est son autisme. Des fois, je me masturbe, je mets les Boys 3 en background, puis j'imagine qu'ils me shotent à l'oreille. Garde les yeux fermés, il y a une éclipse solaire. C'est malade. Wow. Okay, je sais pas si vous connaissez bien ses qualités, là, mais Paulo, il a genre une mémoire qui se peut juste pas. Lui puis sa femme, ils jouent à un jeu des fois le soir au lieu de faire l'amour, puis c'est encore mieux. Ils jouent à « Qu'est-ce que tu faisais, mettons, le 5 septembre 1972? » Là, lui, il est capable de dire vite de même, il y a eu un attentat aux Jeux olympiques de Munich. Ça, OK, ça va, parce que c'est quand même gros. Il peut dire aussi « J'étais allé au Rona à 11h23 sur telle rue. Le caissier me parlait de telle affaire, puis tout. » Tu sais, moi puis Jeff, là, on est tout le temps sous, fait qu'on se rappelle jamais de rien. Même des fois, il se rappelle pas de mon nom. Des fois, au lit, il m'appelle Jessica. Est-ce que c'est une mémoire de merde? En tout cas, il n'y a rien de plus érotisant qu'une mémoire. Tu sais, moi, quand je veux me turn on, je mets pas de la porn, je mets un bon vieil épisode de Génie en herbe. That's it. Bon. Moi, c'est fou. Dans la vie, il y a juste deux jours que je me rappelle, tu sais, que je faisais. Puis comme tout le monde, c'est le 11 septembre 2001, c'est ça? Mais... Oui, c'est ça. Ouais. D'ailleurs, si manque de jokes, ma collègue, aujourd'hui, j'ai passé ma journée à écouter des vidéos de complot sur le 11 septembre. Ah, puis? C'est qui a gagné? Moi, je sais pas, là. J'écoutais ça en dormant, c'est un peu creepy. Puis, ironiquement, la deuxième date, c'est le 11 septembre 2010, journée où j'ai appris que Paul Oud subit une opération pour 5 pontages. Ouch. J'ai tellement pleuré ce jour-là, je pleurais. Sauvez Paul Oud! Sauvez Paul Oud! 2 tours, 5 pontages. Ben, c'est ça. Ouais, on s'en calisse de Paul Oud, là, versus on s'en calisse pas. Bon, en tout cas, bref, ma plus grande frustration, c'est que Paulo n'avait pas de page Facebook pour que je puisse l'harceler. Une fois, je pensais que je l'avais trouvé, puis là, Chris, il me rajoutait pas. Fait que là, je le rajoutais. La semaine d'après, je l'enlevais, je le rajoutais, tu sais, pour qu'il le voit comme apparaître dans son actualité. Je suis en train que je me rends compte, Chris, que c'était son père, parce que son père aussi s'appelle Paulo. Ben, tabarnak! Ben, voyons donc. Ben là, Chris, moi, fait que c'est Paulo Junior? Paulo Junior! Oh. Tabarnak! C'est pas. Oh. En tout cas. Oh! Et Paulo. Mensonge! Moi, son père a une page Facebook, mais pas lui. Ben c'est ça, c'est plate, hein? Mais ben, sûrement que ça cause des gens comme moi qui veulent l'harceler. Il est tellement sexy. Oui, clairement. Ben c'est ça, exactement. Exactement. Je sais qu'il habite à Repentigny. En tout cas, bref. Je sais pas si j'ai réussi à te rendre jaloux, Jeff, ou si ben t'as juste un peu honte parce que j'ai l'air d'une crise de folle. Mais au moins, ça va donner sûrement un peu de jus pour que tu puisses me péter une coche à mon prochain party de famille. All right. Wow, ça a l'air d'être un rendez-vous. Merci. Wow. On peut-tu inviter Paul Oud à l'émission, Élise? Élise? Ça me semble que ce serait le fun d'avoir Paul Oud à l'émission. Ah, ce serait mon rêve. Ouais. Travaille là-dessus, okay. C'est bon. Okay. Merci. Paraît qu'il n'y a pas de compte Facebook. Ouais. Wow, hein? Fait comme ça, t'es pas jaloux, toi? Ah, moi, je suis zéro jaloux. Puis tu veux savoir c'est quoi la grosseur des pénis des autres? Ah non, mais ça, en fait, l'histoire là-dedans, c'est qu'il y avait, en fait, il y avait Jérémy Alain qui fait les premières parties ici aussi. Puis j'étais comme, Chris, il est comment le pénis à Jérémy? Puis je me posais des questions. J'étais juste curieux, esti. Puis il est comment? C'est tout. J'ai aucune idée. Ah, tu l'as pas dit. Ah, t'as pas dit? Non, elle m'a menti, je pense. Ah, OK. Ah, ben, t'as dit quoi d'abord? Il y a personne que toi qui a jamais été plus gros que toi. Ouais, ouais, exactement. Ouais, tout le monde sait que les humoristes ont tous des gros pénis, là, si on les écoute. Là. Ben, ça dépend si c'est une humoriste femme. Ben même les... C'est vrai, t'es donc bien hétéronormatif. À ce que je sache. Ben, je sors avec une humoriste. Non, mais il y a une histoire qui est drôle quand j'ai pissé dans le salon. Par contre, ça, c'est drôle en tabarnak, comme histoire, pour vrai. Ben, go. Ça, honnêtement, c'était une grosse soirée. C'était une partie de départ du coloc de Marie-Pierre, justement. Puis, tu sais, on boit, tout ça. Puis, je passe vraiment toute la soirée. Ben, j'étais sous, mais je me rappelle la soirée. Puis, à un moment donné, je m'en vais me coucher. Puis ça, après ce moment-là, on me l'a juste compté. Moi, je me lève, je baisse mes pantalons dans le salon, je m'assois comme mon cul sur mon ami. Puis il est comme, qu'est-ce que tu fais là, JF? Là, je suis comme, si, je fais, je sais pas. Et là, tu pensais que ton ami, c'était la toilette. Ouais, genre, là, je commence à pisser par terre. Puis il me dit, JF, tu pisses? Là, je suis comme, non, je pisse pas. Assiste pas. Là, il me pousse, je m'en vais aux toilettes, je reviens, je marche dans ma piste, je m'en vais me coucher dans le lit. Je me relève 40 minutes plus tard, t'as mon ami qui me dit « Tu vas ramasser ta piste ». Je suis comme « De quoi tu parles, là? Ferme ta gueule, j'ai encore aucun souvenir de ça. » Fait que si je m'en rappelle pas, comme dit Mike Ward, ça compte pas. C'est correct, fait que j'assume à 100%, j'ai pissé dans le salon de ma blonde. Ce que je trouve fascinant, c'est que t'as pissé alors qu'il y avait du monde. Ouais, mais je me rappelle pas. Non, il était pas debout, tout le monde était couché. Ah, tout le monde dormait. Okay, c'était, okay. C'était après le party. Okay. C'était pas pendant, j'ai eu le temps d'aller me coucher. Tu t'es assis sur quelqu'un qui dormait, non? Ouais. Ah non, okay. Chris, ça aurait été weird. Ça avait l'air de ça. Non, le monde dormait. Le monde qui jase, pis t'es comme... Ça aurait été plus drôle comme ça, mais non, non, le monde dormait. C'était la fin de la soirée. Wow. Oh, wow, OK. J'ai un flash. On va aller en musique avec Marianne qui va nous faire une de ses pièces musicales. Yes, c'est indeed. Comme un break musical. Yep, yep, comment yep. ça va, Marianne? Ben, ça va plutôt bien, en fait. Je suis contente d'être avec vous, les douteux. Yeah! Yeah! Comment tu l'as vécu, toi, ton septembre? C'était quel cours que tu avais? Écoute, moi, j'avais dû quitter en début de journée, puis je me suis ramassée à dîner à la maison, puis il y avait les deux tours en train de s'écrouler à la télévision. Wow! Puis la dernière fois que t'as fait pipi à ton insu? Ça, tu vois, c'est un mystère pour moi parce que je comprends pas ça. Je suis pas capable de me rendre jusque-là. Je m'endors avant. C'est comme un mécanisme de défense. Mais moi aussi, je me suis endormi avant. C'est ça le problème. Ouais, c'est tu t'es relevé après. Un blackout, c'est s'endormir, c'est pas la même ouais, affaire. C'est ouais. pas pareil. Là. C'est... Ben, pour rester dans le thème où est-ce qu'on était avec une mademoiselle, Marie-Pierre, c'est qu'on parle d'amour, hein? Hein? On parle d'amour, du vrai, hein? Qu'on rend jaloux les autres pour se faire mieux aimer. Alors, une petite toune d'amour. Pour ce 11 septembre. Oh. Oh. Aimez-vous tout le monde. Vas-y, Marianne. T'es arrivée en même temps que les premiers rayons de mai. Tu m'as souri et je me suis surprise à rêver. J'ai pas eu le temps de me rendre compte. J'avais passé le pas d'un compte et depuis, je ris, je chante, je souris. Je suis amoureuse. Là où je me trouve, ça peut plus dire. Je suis heureuse et y a plus rien pour me contenir. Ouh, y a des fleurs sur les murs, des pas de danse sur les trottoirs. Près de toi, la vie est moins dure et je me surprends même à croire que c'est toi que j'attendais, que c'est toi, c'est toi, c'est toi. Tu m'as ouvert ta vie, ton cœur et ta maison. J'y ai perdu pied, perdu filtres et raisons. Même si on s'est fait peur de tant d'amour et tant d'ardeur, on s'est fait confiance et on s'en est mis plein les sens. T'es arrivé en même temps que les premiers rayons de mai. Tu m'as pas pris ma main pour y déposer un baiser. J'ai pas eu le temps de me rendre compte que j'étais déjà dans tes bras. Depuis, tu m'as viré tout à l'endroit. Je suis amoureuse. Là où je me trouve, ça peut plus dire. Je suis heureuse et y a plus rien pour me contenir. Ouh, y a des fleurs sur les murs, des pas de danse sur les trottoirs. Près de toi, la vie est moins dure et je me surprends même à croire que c'est toi. Que j'attendais, que c'est toi depuis tout ce temps, que c'est toi, c'est toi, c'est toi que j'attends. Wow! C'était beau, merci Marianne. Ça fait plaisir, fait qu'on enchaîne avec la prochaine. On y va! Yeah! Yeah! Wow! Anne-France, Anne-France la pointe, Anne-France, MT la pointe. MT, comme dans ton... Salut MT. Monique, moi je me souviens de Monique. Merci de t'en souvenir. Oui, hey, c'est le fun, il y a plein de gens qui écrivent des chansons sur moi, t'es juste la quatrième. Non. T'es tellement pas spécial. Allô Anne-France, comment Salut, ça va? Salut, ça va? Ouais. Oui. Puis toi, ton septembre, c'était quel cours? Ben, je sais pas, un cours random au cégep, mais quand c'est arrivé, je dormais, j'étais en lendemain de veille, puis je me lamentais, puis ma mère est venue me réveiller en hurlant « C'est la Troisième Guerre mondiale! Lève-toi! » Puis elle m'a tiré de mon lit, puis j'étais tout nu, puis j'étais vraiment mal à l'aise. Wow. Puis c'est ça, fait qu'elle m'a jeté sur le sofa, puis j'ai regardé le deuxième avion arriver, j'étais comme « What the fuck? Fais-moi des macaronis! » Fait que ouais, j'étais, c'est ça, des macaronis au jus de tomate, un lendemain de brosse. J'ai beaucoup de choses à dire, là, faut que j'accélère. À vas-y. Un bon déjeuner pour replacer. Mais j'étais allée au cégep après, là, pour prendre ma photo. Fait que sur ma carte, tu me vois, je suis comme, what the fuck. En tout cas, je suis un ado, là. Fait que, ouais, faut que je me grouille, là. Depuis qu'on s'est vu, là, j'étais à 5000 XP du niveau 32 de Pokémon Go. Oh, ça bravo. S'en vient. J'ai fait évoluer des roucoules hier, mais j'en avais pas assez. Sinon, j'ai vu Dépêche-Mode, j'ai vu Louis-José Hood, je me suis fait poser un lapin par Lady Gaga, j'ai écouté 4 films, j'ai perdu l'usage d'un œil. À part de ça, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est pas mal ça. Hein? J'ai perdu l'usage d'un œil. Ouais, c'était pas cool. T'as perdu l'usage comme pour toujours? Ou Non, j'ai un spot flou dans mon œil droit, fait que je vois rien. Puis je suis, en tout cas, ah, c'est pour ça que tu l'as encore. Okay, c'est pour ça que je me suis habillée de main. Ah, ben oui. Ouais. Je voulais pas t'en parler. Ouais, en tout cas. Puis, mais c'est ça. En fait, je suis ici pour deux choses. Là. Pour donner des crédits, on va parler du cas d'Amélie Routier-Bergeron. Amélie, c'est la fille qui, lors de ma première chronique, éclusait tout l'alcool disponible au chalet de mes parents en m'encourageant à pas trop dire de conneries. Amélie, c'est la fille qui m'a dit d'exploiter le néant. C'est la fille qui a subi une colonoscopie, donc que j'ai attendu 6 heures dans un couloir d'hôpital après elle et son hostie de jaquette. Et c'est celle qui était vraiment tannée de m'entendre chanter Smile Back at Me, donc j'ai voulu en rajouter une couche. Fait que, Amé, merci d'être ma script éditeur. Et donc, aujourd'hui, encore une fois, je paniquais, je savais pas trop quoi faire. Puis elle m'a dit, j'ai dit, j'ai pas eu le temps de lire un roman passion pour ma chronique. Puis elle m'a dit, écris-en un. Ouais, OK, c'est cool. C'est bien moins long, hein? C'est bien moins long. Hein? Fait que j'ai fait ça dans un état de panique le plus total. Ça se peut que je me rappelle pas moi-même de des bouts. Ça, c'est mes parenthèses. Donc, peu... Ouh! Ouais, ils sont de retour. Des parenthèses physiques. Pas des bananes, pas des sourcils. Que la dernière fois? Ouais, ils sont un peu dégueulasses. Pour vrai, t'es pas perdu. Je les ai pimpés. Fait que c'est pas des sourcils ni des bananes, c'est des parenthèses. J'ai-tu oublié de quoi? Non, c'est ça, j'ai rien oublié. Fait que je vais vous lire ça. C'est un petit peu long, fait que je vais essayer de lire vite. Ah non, c'est vrai, j'ai besoin de. Asti, il y a trop de stock. Comment tu vas faire? Je vais me mettre de même. Je vais tenir mes parenthèses. Je vais prendre une gorgée, me calmer. Sinon, tu pourrais pointer peut, vers moi quand ouais, tu as besoin de parenthèses, puis je vais dire on parenthèses. Peut, on peut t'aider avec les parenthèses. Non, c'est parce qu'ils sont comme. Non, non, je vais gérer. Hein. Si ça va mal, j'ai lancé à quelque part, mais j'en ai pas tant que ça. Faut juste pas que je les mette à l'envers. OK. Parce que Dieu sait que le monde comprendra pas s'il y a des parenthèses. C'est bien important le visuel dans un podcast. Je suis pas ici pour vous faire rire, je suis ici pour vous faire pleurer. C'est important. Saint-Hostie que ça va être long. OK, go. Oui. C'était pourtant un matin comme les autres, simplement plus lumineux, au ciel d'un bleu plus éclatant. Crystal Beverly Spencer, une jeune assistante aux jambes élancées, à la taille mince et aux longs cheveux foncés, patientait dans un ascenseur avec une dizaine d'autres professionnels. Comme elle, les femmes portaient des jupes droites assorties à leur veston et les hommes tenaient pour la plupart une mallette en cuir. L'odeur des cafés attrapés au pas de course se mélangeait à celle des parfums encore frais du matin. Sérieux, j'ai l'impression de lire la messe. Je m'excuse, mon ton de voix, ça marche comme papa en tout. Ah, mais c'est cool, tu me racontes une belle histoire. Crystal Beverly sortit au 96e étage et déboula dans le long corridor qui menait à son bureau. À 8h pile, elle était à son poste, consultant ses courriels et le cours de la bourse. Presque 8h15, elle jetait des coups d'œil de plus en plus fréquents vers la porte d'entrée, impatiente, fébrile. De délicieux petits frissons, pas des frissons, des frissons, pardon, lui parcouraient le dos à chaque tintement de clochette annonçant un employé en retard. Et ce fut lui. Une chaleur se répandit instantanément dans son bas-ventre et elle savoura cette sensation en sentant le rouge lui monter au visage. L'homme salua la réceptionniste d'un sourire aux dents parfaites, fit un petit signe de tête à un collègue et serra une main en souriant. Crystal Beverly se délectait du spectacle. Elle pouvait sentir son odeur. Elle ressentait la fermeté de la poignée de main. Elle connaissait la douceur de cette peau. Blake Pete Black Oil, son patron, son amant, son fiancé. La virilité faite homme seulement pour elle. Blake Pete se dirigeait maintenant vers son bureau. Il sa... Mais oui. Hey, du crédit à Amélie pour avoir trouvé ce prénom-là, OK? Merci, Amélie. Blake Pete. Blake Pete Black Oil. OK, il se dirigeait maintenant vers son bureau. Il s'arrêta un moment devant la porte de Crystal Beverly. Là, ils se parlent, bon matin, blabla. Ouais, ils se donnent rendez-vous dans 15 minutes dans le bureau avec une excuse foireuse du style vérifier le cours du Dow Jones comme s'il n'était pas capable de faire ça tout seul. J'ai mis des parenthèses parce que sinon ça aurait été bien trop long. Ouais, tu pitches là, un roman. Comment pourrait-elle attendre encore 15 minutes? Distraite, elle regarda le ciel d'un bleu sans nuages. De sa fenêtre, elle contemplait la ville qui s'étalait sous elle. Se sentant enveloppée par l'amour de Blake Pete, avec la vue à cette hauteur, elle sentait le monde à ses pieds. Tout était possible. À commencer par ce rendez-vous matinal avec l'homme de sa vie, elle avait de plus une annonce importante à lui faire et elle bouillait d'impatience. À 8h30 précise, elle pénétra dans le bureau de l'objet de ses désirs. La pièce était immense avec un mur complètement vitré. Une grosse table de réunion trônait dans un coin, quelques fauteuils dans l'autre. Une porte discrète camouflée par une bibliothèque donnait sur un petit salon privé, offrant lui aussi une splendide vue sur New York. C'est là qu'elle se dirigea. Blake Pete l'attendait, une fleur à la main. Elle referma la porte derrière elle et s'approcha sans un mot, le feu au visage. L'homme derrière elle s'approcha... Non, attends, où c'est que je suis rendue? Ah oui, l'homme caressa la joue de la jeune femme avec l'orchidée. Crystal Beverly ferma les yeux et laissa le parfum l'envahir. Les pétales effleuraient maintenant son cou gracieux. Elle tressaillit. Elle sentait l'intérieur de son corps prêt à s'ouvrir au plaisir qui l'attendait. Elle s'ouvrait comme la fleur qui la caressait, prête à être pollinisée. Et ça, c'est damé encore. « Comme tu es belle !» murmura Blake Pete en jetant la fleur plus loin. Lol. Il passa les mains autour de la taille de son assistante et l'attira vers lui. Elle gémit faiblement en tendant les lèvres qu'il s'empressa de cueillir. Ils s'embrassèrent longuement et passionnément. Crystal Beverly oublia son travail, son annonce importante, ses soucis, sa mère malade. Tout ce qu'elle désirait en ce moment, c'était le corps du jeune millionnaire. Elle retira sa veste pendant que Blake Pitt s'attachait au bouton de sa chemise ivoire. Il fourra son visage rasé de près entre les deux seins plantureux de la demoiselle qui gémit de plaisir et sentit ses mamelons durcir dans une délicieuse douleur. Yes! Du sentiment de mamelon, en fait. Il embrassait chaque centimètre de sa peau, savourant sa douceur, son odeur, sans se soucier du travail de la journée. De brefs mouvements, habile, il enleva son veston et arracha littéralement sa chemise. Il bascula sa bien-aimée sur un des canapés, sans cesser de la goûter et de la respirer. Il descendit le long de son ventre plat jusqu'au haut de sa jupe, dont il fit glisser la fermeture éclair et le tissu. Sérieux, c'est bien long, je m'excuse. Elle ressentait jusque dans ses os chaque baiser donné à travers la culotte de couleur pêche. Crystal gémissait toujours de plaisir et d'envie, sentant un liquide chaud s'écouler par l'entrée de son temple sacré. Elle posa la main sur la bosse du pantalon de Blake Pitt et sut qu'il était temps d'agir. Et moi, de boire. OK. Ça s'en vient. Elle repoussa gentiment le torse velu de l'homme prêt à l'action et se releva. D'une main experte, elle baissa la fermeture éclair du pantalon haute couture et fit glisser le vêtement jusqu'au sol. Il ne lui restait que ses sous-vêtements assortis qui furent bientôt chose du passé. On prend un raccourci. Le soleil éclairait le corps nu de Crystal Beverly qui se délectait des deux yeux gourmands bleus posés sur elle. On skip deux, trois phrases romantiques pas nécessaires. N'en pouvant plus, elle enfourcha Blake Pitt et s'empala sur lui d'un seul mouvement. Il émit un petit cri de surprise et de plaisir avant de s'agripper aux hanches de l'Amazone qui le chevauchait avec passion. Je vais accélérer parce que là... L'étonnement fit immédiatement place au plaisir charnel de l'amour éperdu qui électrisait les deux corps nus dans la lumière claire d'un mardi matin sensuel et merveilleux. Le membre viril de Blake Pitt allait et venait à l'intérieur du corps chaud et accueillant de Crystal Beverly qui perdait l'équilibre sous la force des sensations qui l'assaillaient violemment, amoureusement, tendrement et fermement à la fois. Sans jamais cesser leur mouvement, les amoureux interdits s'embrassaient, se goûtaient, vivaient à travers le corps de l'autre. Comme une mèche allumée menant à un canon, Crystal Beverly et Blake Pitt sentirent monter le sommet de leur plaisir en même temps. Renversant la tête vers l'arrière, le regard flou de l'assistante se posa sans le vouloir sur l'horloge murale. 8h46. Elle ferma les yeux de toutes ses forces et se concentra sur la vague intense de sensations qui prenait de l'ampleur au centre de son corps. D'un même râle, les amants de septembre explosèrent en un feu d'artifice de sensations magnifiques et orgasmiques. Gars, j'ai des gros frissons, Jeff. Crystal Beverly pencha la tête vers l'arrière, ressentant jusqu'au tréfonds de son âme les puissants spasmes de son amant qui déclenchèrent un grondement terrifiant à travers leur corps fusionné, grondement qui se ressentit étrangement dans toute la pièce. Crystal Beverly écarquilla les yeux devant la force de cet orgasme commun. Dans sa jouissance incontrôlable, elle sentait le salon privé de Blake Pitt qui tremblait et le grondement se faisait inquiétant. Son amant millionnaire émit un dernier râle et laissa sa tête reposer sur le dossier du divan. Le calme revint et, haletant, Blake Pitt s'adressa à la prunelle de ses yeux. « As-tu ressenti ce grondement extatique? Est-ce notre orgasme qui a créé ce tremblement de terre, rigola-t-il, taquin. C'était incroyable, susurra Crystal Beverly à l'oreille parfaitement dessinée du jeune patron. Elle lécha une goutte de sueur sur le splendide visage serein de Blake Pitt et soupira d'aisance. Soudain, à travers la brume du repos après l'amour, leur parvinrent des sons qui ressemblaient à des hurlements de panique. Les amoureux tendirent l'oreille et une alarme stridente se fit entendre à travers les murs du petit salon. Mais qu'est-ce qui se passe, couina Crystal Beverly? On skip le bout où il se rabaye parce qu'on s'entend, c'est plate, puis on s'en crisse que sa chemise dépasse de ses culottes, haute couture dans le feu de l'action. Par contre, mentionnons que Crystal Beverly court en escarpin puis qu'elle maîtrise solidement la patente. Là, le couple court dans l'entrée du bureau, la panique règne, une grosse madame hurle « Nous sommes attaqués !» Et tout le monde court partout en se bousculant. On voit une épaisse fumée par la fenêtre, Crystal Beverly est figée sur place, elle comprend rien, bon blablabla. Blake Pitt aide le monde à sortir, il hurle de se calmer les nerfs, puis tout, ça dure facile 10 minutes, fait qu'on va pas s'éterniser là-dessus. En plus, on sait toujours pas ce qui se passe, t'sais. En gros, ils sortent dans le corridor et le drame les frappe de plein fouet, deux points. La tour jumelle brûle. Tout le monde hurle, appelle leurs proches ou s'agglutine devant les ascenseurs. Pas. Crystal Beverly, dans un état second encore langoureux, sentait la semence chaude et réconfortante de Blake Pitt couler sur ses cuisses. Elle pensait à l'enfant qu'elle porte depuis quelques semaines. Blake Pitt n'était pas encore au courant et elle voulait le lui dire ce matin car il fêtait la première année de leur relation aujourd'hui même. Machinalement, elle leva les yeux vers l'horloge au-dessus des ascenseurs. 9h03. Comme le jeune millionnaire revenait vers elle, la chemise de travers et les cheveux dans tous les sens, beau comme un dieu grec dans la panique générale, Crystal Beverly eut l'impression que le sol sous ses pieds explosait. Un bruit assourdissant emplit l'espace et tout tremblait. Hystérique, les employés se jetaient par terre en pleurant et s'époumonant. Le plâtre se détachait des murs, les fenêtres épaisses craquaient et de la fumée commençait à monter autour d'eux. On skip ce bout-là, le classique « Nous sommes attaqués » combiné à environ 38 « Oh my God, oh shit, oh no, oh my God » et beaucoup de larmes de gens qui se sentent soudainement attirés par la prière et la foi chrétienne. En gros, ça va pas bien. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le feu est poigné en dessous de la gang du 96e étage. Là, les ascenseurs sont pétés, les gens se garagent dans la cage d'escalier, le feu est partout, ils catchent qu'il n'y a plus rien à faire. Double parenthèse, oui, on prend des raccourcis. Fait que Crystal, Beverly et Blake Pete sont poignés dans une cage d'escalier avec des dizaines de Mongols paniqués ben raides. Les gens commencent à devenir violents puis à se pilasser sans pitié. Il y en a qui se jettent par les fenêtres, d'autres qui plongent carrément dans le pit de feu des escaliers. Le bordel dure vraiment longtemps, genre facile 3 quarts d'heure. J'achève, il me reste une page et demie. On prend un autre raccourci pour mentionner que Crystal, Beverly et Blake Pete décident de monter sur le toit en espérant que l'hélico privé callé par téléphone arrive à temps. Les deux amants haletants, aux vêtements haut de gamme déchirés et couverts de suie, débarquent sur le toit où d'autres personnes sont déjà réfugiées, levant les bras au ciel et hurlant à l'aide. Blake Pete, si nous sommes pour mourir, tu dois savoir que je porte ton enfant, notre enfant, je t'aime, ah mon Dieu, ah, etc. Nous n'allons pas mourir, mon amour, et comme je suis heureux, cet enfant vivra et nous l'appellerons Dieudonné Jean-Baptiste, en l'honneur du concierge qui a donné sa vie pour nous. J'ai skippé ce bout-là, je l'avais pas écrit, ça allait vraiment pas bien dans les escaliers. Oh, je t'aime, Blake Pete, je t'aime, Crystal Beverly. Bon, là, ils s'en vont sur le bord du toit, dans un coin, dans la fumée, ils voient rien, tout le monde court partout ou se jette en bas du toit, ça va vraiment pas bien et l'espoir de survivre diminue à vitesse grand V. Enserré dans les bras musclés et tendus de son amoureux, Crystal se rend compte que son corps désire encore appartenir à la puissance virile du père de son enfant, une dernière fois s'il le faut avant de mourir. Elle se jeta désespérément sur la bouche de Blake Pete. Il était déjà dur sous son pantalon haute couture, tout abîmé, sans même se soucier des gens paniqués qui hurlaient autour d'eux. Il baissa ses pantalons, remonta la jupe de sa bien-aimée et la pénétra sauvagement d'un coup de rein. Ouais, elle avait pas eu le temps de remettre ses bobettes, c'est pour ça que ça coulait partout. Les amants fusionnèrent agressivement, sentant rapidement monter l'apogée de leur plaisir. À travers ses larmes, Crystal hurla toute la douleur de l'orgasme fulgurant qui transperçait son bas-ventre. Blake Pete hurlait lui aussi, emplissant à nouveau le corps de la mère de son futur enfant. Tandis que les amants désespérés s'accrochaient l'un à l'autre, un tremblement puissant leur fit perdre l'équilibre. Tués sur le cou tranché par le câble métallique qui retenait une antenne de télévision locale en train de tomber, pour info, on retrouva jamais leur tête, ils n'eurent pas le temps de comprendre que l'édifice s'écroulait sous eux. À 8h58, en ce beau matin du 11 septembre 2001, un drapeau américain porté par le vent enveloppa les corps sans vie de Crystal Beverly Spencer et Blake Pete Blackoy, dont la liqueur séminale continuait à s'écouler par spasmes nerveux dans la cavité morte de la jeune femme. Dans son effondrement, la tour déchiqueta les cadavres des amants condamnés, dispersant la semence porteuse de vie, les fibres de vêtements dispensieux et autres morceaux aléatoires des implants mammaires de Crystal Beverly parmi la poussière et les survivants de cette journée qui changea à jamais la face du monde. Fin. Je pense que c'est une des premières fois qu'on a vraiment du monde qui se lève pour une chronique. Ah, merci! D'habitude, ça se lève juste au karaoké, c'est cool, OK? Oh, le drapeau! Bon. Ça me fait plaisir et on remercie Amé encore. Ben, je pense I que... would like to thank God and George Bush and Amélie Routier. Mon vote préféré, c'est quand elle a checké l'heure pendant qu'elle fourrait. Qui fait pas ça? Moi, mon bout que j'ai comme réalisé, c'est quand elle fait il y a un tremblement de terre, qu'est-ce qui se passe? Ouais, ouais, qu'il y a du monde qui crie. Mais tu devrais te recycler. Je pense que tu as un emploi foisonnant devant toi. T'as-tu aimé ça? Ben moi, j'ai vécu un mélange d'émotions. Au début, j'étais comme un petit gamin qui était comme genre « Oh, on me raconte une belle histoire. » Puis plus ça avançait, plus j'étais comme « Holy shit! » Puis j'ai tout suivi au complet. Après, je vais faire des cauchemars un peu à ce soir, mais des beaux cauchemars quand même. Non, mais pour vrai, ça... Oh, oui, non, mais non, clairement. Des « wet cauchemars », qu'on appelle ça. Ouais, un peu. Ouais. Non, mais c'est quoi déjà le « Black Dude, Black Will, Hoyle » C'est quoi déjà le « Black Pete »?« Black Pete » Black Pete, c'est Peter. Moi, si j'ai un enfant, je l'appelle « Black Pete ». Blake Pete. Blake Pete, Black Oil. Ah! Blake Pete, Black Oil. J'étais pas loin, j'ai... Puis Crystal Beverly. J'ai assimilé l'histoire, j'ai pas eu le temps de mémoriser les noms, mais... Le but, c'était pas de les mémoriser non plus. Moi, j'ai vu It hier, puis je pense que je vais faire plus de cauchemars avec ça qu'avec... bon, It? C'est vraiment bon. C'est vraiment bon? Moi, je le recommande chaudement. Ah ouais, OK. C'est correct. Moi, je suis sceptique. OK, regarde, tu vois, moi, c'est vraiment bon, sceptique de la calice. J'ai pas eu peur. Mes bouts préférés, c'était pas les bouts d'horreur. Ouh. Non, mais c'est un film d'horreur, c'est tout le temps un peu la même chose. Ouais, genre. Puis c'est si t'enlèves toutes les bouts d'horreur, c'est comme un bon remake de Stand By Me, mettons. Pour de vrai, là. La chanson des Rolling Stones. Hey. Non. De John Lennon. Non, c'est Stand By Me, tabarnak. C'est Ben. Non, j'ai 23 ans, donne-moi du genre. Ben oui, non, mais c'est correct, on va t'aider. Stand By Me, c'est une chanson. C'est une chanson de Pennywise. Pennywise. Non, non, fuck you, tabarnak. Pennywise, c'est le club! Wow! Tout est dans tout. Ça va tout mal finir, okay. C'était quand on passe au prochain. Podcast. On peut passer au prochain. Serial killer, on va régler des affaires. Serial killer, on va régler des affaires. Serial killer, on va régler des affaires. Oh yeah. Yeah! Allez, boys! Tasse-moi ça de là, man. Est-ce que je te l'ai dit de le tasser quand on arrive, man? Est-ce qu'il nous écoute pas, gros? Est-ce que tu veux-tu un micro? Calme-toi, man. Tu veux-tu un micro? On en a besoin. Salut, le brou, man. Salut! Yeah! Ah! Yeah! Aïe, nous autres et tout, man, on est allé au FME. Yes, on s'en souvient pas. On s'en souvient pas, mais on y est allé. On est allé au FME. Ça a l'air qu'on a composé une toune là-bas, gros, ça a l'air. Moi, je m'en souviens pas. Au fait, tu me racontes ce qui se passe, man. Parce oui, que c'est arrivé pour vrai. C'est arrivé pour vrai. Ouais, c'est arrivé pour vrai. Ben, c'est ça, on a trouvé. Vous l'avez même joué. Ouais, ben, c'est pour ça qu'on s'en souvient plus, je pense, parce qu'on a amené nos textes, man. Oui, on a amené nos textes, zéro. Parce que c'est à mon tour. Ok, attends une minute. Oui, c'est ma ligne, ça. Ah, non, ben. On a pas besoin d'argent cette fin de semaine-là. Fait qu'on a décidé d'aller au FME. Hmm. Comment, de quoi, ma game? Ben, c'est ça. Ben, là-bas, je suis parti une game, man, de Blackjack. Là. Paraîtrait. Ouais, man, avec mon Game Boy, man. Puis là, je dis, moi, j'ai plus besoin de faire d'argent, man. Je joue virtuellement, man. Puis je gagne de l'argent. Fait que là, c'est ça. J'ai pogné quoi, 10 000 piastres à la fin? Et à première soirée, gros. Ça, première exactement. Soirée, 10 000 piastres. Fait que là, parti, pour aller chercher le cash, j'ai pogné la première banque qui est passée sur le coin. J'ai allé chercher mon dû, man. Voilà. Avec un gun, tu peux tout faire, man. Avec un gun, tu peux tout faire, man. Ah ouais, man, on avait le droit d'être ici, si c'est vrai, man. Fait que vous voulez chanter votre chanson? Ben, c'est ça, faire, on va là? Refaire. Là, y en a-tu qui l'ont entendu, man? La toune du FME, gros? Lui, il l'a entendu. Moi, je l'ai entendu. Lui, l'a entendu. Moi, je suis complètement curieux sur c'est quoi ta chanson. Ah ouais, man, mais check, premièrement, je vais te montrer, check, man, on avait le droit d'être là, man. Tu veux? T'as-tu encore des bières dessus? Je pense que oui. Parce qu'on ferme le bar un peu tôt, hein, le dimanche. Mais c'est ça qui arrive, man. Fait que c'est ça, on avait le droit d'être là, man. Fait qu'on va te faire la toune, man. Parce qu'on avait le droit d'être là, mais là, t'es un peu, là, lui, il start jamais. Mais faut tout le temps, j'ai le menace, man. Ouais, ben, menace. Pas la toune, mais il veut ben pas. Hey, gros tabarnak, c'est quoi, ça va te prendre, man? Pas la toune, esti. Tu sais, mais. C'est même pas un vrai gun. Chut, y'a rien que lui qui ne sait pas. FME17, FME2017. FME17, FME2017. Céréales, chillax, je représente la côte nord. Bénévole, je me sens comme un roi. Pis moi, quand je suis sous, ben j'ai plus le goût. On jase sécurité, marche à suivre. Mais attention, toujours dans le respect. One love, roi norandais. Killer traverse le parc, je répare mon kit, pis mon swag. Abitibi, t'es Miscamingue, je m'en viens implanter mon règne. Radio pour la bière gratis. Je me souviens plus des paroles, merde. Bonne bière, scanapause, bip, bip. FME, moi je t'aime en crisse. On vient faire de lambeaux artistes. Calme-toi le gros, zéro malice. T'es number one sur notre liste. FME, moi je t'aime en crisse. On vient faire de l'ombre aux artistes. Wow, wow, j'ai full faim. Drette chez Pata Pierrot. Combien tu le vends ton gâteau? Je me roule un bio, Tialo. Parce que j'ai vu toutes les corbeaux. J'ai jasé avec les corbeaux. Alex, JF, Larry, Terrasse VIP. Y'a une croatégie. J'vis un décalage hors pair, loin de chez nous, j'm'en viens régler des affaires. À ce fin de semaine, dans tes oreilles, j't'offre une jouissance sans pareil. On a du fun pis on se touche même pas. Hey, on va faire le refrain de régler. Ouais. FME, moi j't'aime en crise, on fait de l'ombre aux artistes. Fais une bonne boucle. FME, moi j't'aime en crise. On vient faire de l'ombre aux artistes. Calme-toi le gros, zéro malice. T'es number one sur notre liste. FME17, FME2017. Hey, comment on a pris? FME17, FME2017. Vois pas trop le gros. FME2017. Pis si tu vois trop, yes. Ben hydrate-toi. Habille-toi voyant le gros. Habille-toi chaud aussi. Fais frette là-bas. Oui, merde. Ouais, hein, fait, c'est ça. Moi, je pense que je vais laisser passer mon buzz un peu, man. Ouais, moi, je pense que je vais y retourner, vous savez. Ouais, ça s'est mieux passé la première fois. Hein? La première fois, ouais. Je m'en souviens pas de la première fois qu'on t'a laissé, on s'en souvient pas, man. C'était pareil comme Stand By Me. Ouais, c'était Stand By Me. Stand By Me de Pennywise, par exemple. Ouais, exactement. Ouais, t'es vraiment généreux. C'est vrai qu'il était meilleur la première fois. Vous hein? écouterez la version de 70% au FME. Elle était vraiment bonne. Elle est vraiment, vraiment bonne. On entend toutes les paroles. Ouais. C'est malade. Ouais, ouais, ouais. Puis elle était bonne, des bonnes paroles. Là. Ah, des bonnes paroles, là, oui. Que vous avez toutes manquées ce soir, live. Mais... En direct, qui ont manqué leur coup. Hein? Leur intervention, c'est juste de vous pousser à venir écouter justement les quatre épisodes du FME. Du FME qui sont disponibles 70%. Sur 70%. Qui seront, on en a ils sont déjà. Ils sont tous disponibles. Les quatre sont disponibles. C'est ça qui s'est passé, là. Ouais, okay, ouais, ouais. Tommy, il avait plus le temps. Pis OK, c'est bon. Ben, ils sont tous sortis. Ils sont là, fait que. Écoutez-moi pas. Ça sac un peu. Jean-François. Oui. JF. C'est moi. T'as-tu aimé ça? Ah, oh, c'était cool, mais moi j'embarque dans leur vibe, là. C'est à la fois les Anticipateurs, Black Tabou puis Tupac à la fois. Yeah! ce qu'on n'a pas vu, c'est qu'ils parlent beaucoup de sécurité, là. Ils ont dit le mot, mais ils n'ont pas été dans la sécurité, mais ils sont très forts sur la sécurité. C'est un band de hip-hop, donc c'est du hip-hop blanc sécuritaire, je dirais. Si j'écrivais leur communiqué de presse. C'est ça. C'est pareil comme Tupac. C'est exactement comme Tupac. Non, non, mais c'était cool. Il y avait un bon vibe. Il y avait un flow. C'était moi, j'ai embarqué. Je vais avoir le tune FME 2000. Oui, ça va te donner le goût d'y aller l'année prochaine au 2018. Là, fait que... Ouais, mais ça, c'est en Abitibi, c'est ça? Ouais. Non, c'est ça. Moi, j'ai un de mes amis qui est en Abitibi en plus. Faudrait aller le voir là-bas. Ça vaut vraiment la peine. Crime, t'embarqueras dans la vanne l'an prochain. Ben oui, exactement. Chris Ladio. Ça fait 3 ans qu'on fait ça. Tout le monde est invité dans la vanne l'an prochain. Ouais! Il y a 8 places. C'est genre... On va prendre les plus beaux. C'est comme ça. On vient de me dire à l'oreille... Faut passer au prochain. Une petite personne, genre, qui est venue me dire à l'oreille. On fait des indicatifs ici. Donc, je vais te demander de faire un indicatif pour 70%. Donc, tu fais juste présenter 70%. C'est ton nom, puis tu dis 70%, puis tu meubles ça comme tu veux, finalement. Ouais, exactement. Tu mets ta sauce à toi. Je mets ma sauce. I know, right. Non, mais je voyais ça pour vrai, comme moi, j'aime quand même bien le podcast de 70% en général. C'est une bonne place. Qui risque que c'est weird? Tout le monde ici est weird, mais c'est ça qui est nice, en fait. Fait que pour vrai, revenez voir le podcast 70%. Mon nom est Jeff Denomé. C'est tout ça? C'est parfait. Bon, on va couper au montage, au fait. Merci. Bon, ben oui, on va y aller avec le prochain ou le dernier. Je sais même plus où est-ce qu'on est. Pour des cœurs et de nouvelles exceptionnelles, des petits voleurs, des dépanneurs d'un winner world et tout ce qu'il y a de meilleur, Bruno. Tu donnes un break à nos cerveaux. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Hey, bonjour, Bruno. Tantôt, j'ai demandé une bière légère, puis je suis vraiment saoul. Moi, j'ai pas mangé encore, fait que j'ai vraiment faim. Je sais même plus où est-ce que je suis. Deux fois ça en ligne, puis ça se peut que, en tout cas, ça se peut que j'aille un problème de diction là, pour ces nouvelles-là. Nice. Amène-nous vers des nouvelles. Oui, la police de la Nouvelle-Écosse demande au public d'identifier un homme après qu'il ait commis, qu'un commis, de dépanneur lui ait remis trop de monnaie. L'homme aurait utilisé une grosse coupure pour payer pour ses items et serait devenu agité lors de la transaction, rendant le commis nerveux, ce qui l'a poussé à mal compter la monnaie qu'il lui remettait. La GRC a publié une photo de l'homme blond, de race blanche, portant des culottes de camouflage. Fait que si vous voyez ça passer, contactez la GRC, il y a eu trop de change. Ouais, non, mais je comprends ça, c'est pas facile, la vie... d'un homme blanc d'Amérique blond, du Nord. Blond, avec non, des culottes de camouflage. C'est dur. C'est dur. Ouais. Wow, hein? On se dirige en Nouvelle-Zélande maintenant, où un homme a appelé la police pour rapporter que son véhicule a été volé. Rapidement, après que la police ait lancé un avis de recherche, un homme s'est présenté avec la voiture affirmant qu'il avait acheté la dite voiture la veille. Il semble que l'ancien propriétaire était trop saoul pour se souvenir qu'il avait vendu sa voiture pour 800$ afin de s'acheter plus d'alcool. Ah! C'est clairement ça qui s'est passé. C'est le genre de truc que j'aurais fait après avoir pissé dans un salon. Ouais, clairement. Comme, là, tu m'as vendu ma maison. Puis mes chats. Et on termine avec une bonne nouvelle, 70%. Woo! À Berlin, la cour a décidé de se mettre du côté du petit peuple de votre côté. Dans l'affaire du pet devant une police, un homme qui avait reçu une amende de 900 euros pour avoir pété deux fois devant une policière a gagné sa cause en appel, 900. Confirmant une fois de plus qu'il est permis de péter en public en Allemagne. Une victoire pour nous tous. Yeah! 900 euros pour 900 euros. Ouais, c'est un petit peu exagéré. C'était vraiment offusqué. Ouais. En Allemagne, ils ont des petits problèmes avec les gaz en général. Oui, quand je comprends. Oh, il est allé là! Jeff Desnommé! J'imagine qu'on peut te suivre sur, sur ta page. Page? Aidez-moi sur Facebook, sinon je vais être à chaque mercredi soir à partir de 8h au Comedy Works. Une belle soirée d'humour, beau Comedy Club, on build des estis shows. C'est où ça? C'est sur Bishop. Ouais, hein, c'est sur Bishop. Moi, je suis à chier pour faire de la promo, mais je suis bon en show. Fait que aidez-moi, ramenez-vous puis parlez-en. Parfait. Paraît que c'est vraiment mieux que l'autre soirée d'humour qui se passe le mercredi à Montréal. Non, mais j'ai regardé puis ça avait l'air quand même de l'appeler... Le setlist était quand même intéressant. Là, fait que... Ouais, ben j'essaie de builder des shows qui ont du bon sens. Puis vraiment, si t'es un vrai fan d'humour, un gros consommateur, t'as pas le choix de capoter sur la place en général. Exact. C'est vraiment genre... C'est combien? C'est 10$ ou 7$ étudiant. Bon, ben voilà. Donc, est-ce que t'es satisfait de ta présence ici à 70%? Ben, est-ce que vous autres, vous êtes satisfait? Est-ce que vous êtes content, tout le monde? Yeah! On applaudit Jeff! Est-ce qu'on pourrait voir le portrait? Est-ce que t'as terminé ton portrait? Ah, ça s'en vient, hein? OK, parfait. J'ai assez hâte de le voir. Là. Fait qu'on le verra plus tard quand ça sera disponible. OK, je relaxe. Fait que merci, on va s'en aller avec le VJ7, mais avant ça, on va aller voir Marianne qui va nous faire une pièce avant de partir, donc vers le VJ7 de Toto Levigne. Donc je vous remercie, ça a été 70% édition spéciale ND le 11 septembre. Yeah! Merci, au revoir. Merci Bruno. Je remercie tous les chroniqueurs, évidemment, et les techniciens, les très importants techniciens qui rendent tout ça possible. Donc merci à tous. Yes! Hey Andy, tu sais quoi? Tu me connais, tu sais que je chante le bonheur, hein? C'est comme de rien. Ben, en fait, je fais des shows bientôt. Ah! Yes! Est-ce que tu veux les annoncer? Oh! Ben certainement, ça va me faire plaisir! Ben non, c'est ça, c'est ce samedi, je suis au Petit Bar, c'est les soirées Les Baisses Inconnues, je chante des chansons qui sont méconnues d'artistes souvent méconnus, trop méconnus en fait. Sinon, pour le reste, je suis en show dimanche à La Marche à côté avec Scrap Matou. Ça va lever le party. Ça va être solide et des gros poils avec de la contrebasse. C'est malade. Pour de vrai, là, ils sont vraiment le fun. Puis sinon, pour le reste, on peut me suivre sur Internet. Je vais être au Balatou au mois d'octobre. Sinon, le mois de novembre, je suis en résidence encore au Petit Bar tous les mercredis. Suivez-moi sur Facebook, Projet Marianne. Yo! Merci, Marianne. Et pour être fidèle à ce que je viens de dire, une petite chanson Rap la vie, ça vous tente-tu? Hein? Oui! Hey! Il y a des jours comme ça où rien ne va, où rien ne va. Alors je chante en m'en allant pour faire sourire les passants. Les voix heureux me fait me sentir mieux. C'est que hein. Je m'oublie un peu. J'arrête de m'en mêler dans mes propres pensées. Je tourne la page et c'est bien plus sage. Si tu n'aimes pas la vue à droite, ah! Regardons à gauche. Oh, oh. Dis-toi que la vie est belle, qu'elle mérite qu'on profite d'elle. Je ne dis pas de ne pas voir, mais bien de prendre conscience. Si tu n'aimes pas la vue à droite, ah ah, regardons à gauche. Oh, oh. Dis-toi que la vie est belle, qu'elle mérite qu'on profite d'elle. Je ne dis pas de ne pas voir, mais bien de prendre conscience de l'infinie beauté dont nous sommes entourés, d'en profiter. Ah bah, ah oui, alors. Pas mal à vrai, y'a pas, ouais, ouais, ouais, oui. C'est bien que les forêts tombent, que les rivières s'achètent, qu'il y a des sacs sur les rivages, que sur les rêves il y a des bombes qui tic-tac au rythme où va le monde. Qu'à force de courir, on oublie comment marcher, et que pour sauver le monde, il faut d'abord s'aimer. Depuis que je marche lentement, j'apprends à prendre mon temps. Je regarde regarde les choses pousser, les papillons s'y poser. Je me dis qu'on a beaucoup, beaucoup trop de choses dans la tête, qu'il faut pas s'arrêter à ce qu'on peut pas changer, et que le secret des gens heureux, c'est juste de faire de son mieux. Si tu n'aimes pas la vue à droite, ha! Gardons à gauche. Oh, dis-toi que la vie est belle, qu'elle mérite qu'on profite d'elle. Je ne dis pas de ne pas voir, mais bien de prendre conscience. Si tu n'aimes pas la vue à droite, regarde-moi à gauche. Oh, dis-toi que la vie est belle, qu'elle mérite qu'on profite d'elle. Je ne dis pas de ne pas voir, mais bien de prendre conscience de l'infinie beauté dont nous sommes entourés. D'en profiter. Oh, yeah, yeah. Oh oui, oh là. Et c'était 70%! Ça a commencé il y a plus de 9 ans, le nez collé devant l'écran, un grand enfant ne pourra s'empêcher de partager des questions insondées et de fonder ce qui doit se fêter. Douteux.org 70% et toujours toutes ces dents. Douteux.org Douteux.org. Les lundis douteux. Chaque lundi, depuis 10 ans, au pub Brouhaha, 5860 avenue de Lorigné. Chaque semaine, un film louche, un humoriste de la relève, l'enregistrement en direct de 70% et un set de VJ invités. Les lundis douteux. Apporte ton sourire et tes cousines, puis dis-leur que c'est toi qui paies parce que c'est gratis. Je suis Brett Scorpion, vous écoutez douteux.org, merci. Je sais pas pourquoi c'était pas mon vidéo, par exemple, je suis un peu déçu. Parce que c'était vraiment de la merde. En tout cas, non, c'est pas grave. OK, hey, comment ça va? Ça va bien! Moi, je dis... Fait que, mettons, je te croise en rue, je te demande comment ça va. Tu vas-tu me répondre? Parce que là, c'est ça qui est arrivé. Comment ça va? C'est la fin du monde, Toto! C'est la fin du monde? Comment ça? C'est le 11 ça, c'est pas la fin du monde, mon gars. C'est le début. Si, boire. C'est la troisième guerre mondiale. Mais ça? Mais ça? On a gagné deux. C'est amène-en. 3, 4, 5, si tu veux. C'est... Pas de problème. OK, hey, yeah. Tu veux-tu... Hein? Mané, ça va faire? Bon. Non, mais excusez-le. Là, lui, les gars, ils ont quasiment tous connus. Ça fait que... Ça l'a comme fucké. OK, hey! D'abord, c'était ma playlist, c'était correct, hein? C'était correct? C'est correct. Pour un gars qui avait plein de nouveaux stocks qu'il n'a pas pu amener à cause d'un problème technologique, c'est-à-dire, je connais rien dans la technologie, c'était ça le problème, précisément. Fait que j'ai fait avec ce que j'avais, mais je suis quand même sorti, je pense. Fait que voilà, j'espère que c'est. Je sais que, hein, comme vous vivez très mal votre liberté parce que vous êtes maladroit, c'est probablement le plus d'américanisme que vous allez avoir dans l'année, à moins que ça soit moi le VJ le 4 juillet. Ça, c'est autre chose. Fait que, sinon, hein, on n'oublie pas, il y a des petits trucs très simples, hein, pour vivre sa liberté à tous les jours. Le football, la lutte, c'est excellent. Le country, la Coors Light, ça aide énormément aussi. Moi, j'en prends plus, mais quand j'en prenais, c'est... hein, ceux qui en prennent en savent quelque chose. OK. Hey, écoute, quelle meilleure façon de célébrer l'Amérique en cette journée de commémoration et de souvenir des soldats que de vendre des cossins! Ouais! Mais en capitalisme, on n'a pas le choix, on est pognés avec. OK. Sur ce, fait que là, c'est ça. Ce qui arrive, c'est que deux pièces, je t'ai même pas présenté rien. OK, rien à 2$. Non? 4$ pour rien? J'ai 4$ pour rien! 4$ une fois? Non, mais il va apprendre comment ça marche. Quand il va arrêter. 4$ deux fois? 4$ trois fois vendu! C'est une grande première, hein? Ça fait 4 ans, 3 ans, je fais des encans. J'ai jamais vendu rien pour 4$. C'est une première. Alors voilà, il s'obstine-tu? Il s'obstine même pas. J'adore ça. On lui doit. Attends, il est wise. Là, on lui doit une pièce pour rien. C'est fantastique. J'adore. C'est le même que ça marche, le capitaliste. Tout le monde est en train de comprendre un petit peu, hein? OK. Fait que là, le deuxième lot de la soirée. C'est le lot que Mathieu a choisi lui-même et qu'il a interprété notre tendre jeunesse ou notre tendre enfance. Hein? Alors, on a un slinky. Un slinky que y a des têtes de mort quand même. Ça, c'est hot. Hein? Puis là, tu peux le faire parler. Ça, c'est très drôle, ça. Hein? OK, bon, tu m'as compris le concept? Ça, c'est très drôle. Des heures de plaisir. On a ici un macaron content. Ben non, mais quand t'étais tendre enfant, t'étais content, OK. Et Big Shiny Toons 4! Je sais pas combien ils sont rendus, mais je veux pas le savoir, OK? Le 2 était le seul bon, alors on a des connaisseurs ici. On a Lenny Kravitz, on a Moist, ça rajeunit personne. On a Sugar Ray. On a, écoute, un band que même le band écoute plus ça. Le Matthew Good Band. Hein? Blink 182, Goo Goo Dolls, Fatboy Slim. Tabarnak! Ça, c'est comme un coup de pelle de 1999, genre, OK? Goo Goo Dolls, Fatboy Slim, Kid Rock, Smash Mouth, Tea Party, Chemical Brothers, le groupe Orgy. La toune s'appelle Blue Monday. Non, OK. Red Hot Chili Pepper. Hey, Red Hot Chili Pepper, c'est une toune qui parle de Californie. T'es-tu surpris? OK. Le groupe I Mother Hurt. Je sais pas c'est quoi. Silver Chair. Fuck. Cereal Joe et... Attends. Et Econoline Crush. Ça, c'est pas fait. C'est quoi ça? Hey, c'est... You don't know what it's like. C'est la toune, là. Si t'es déjà allé dans un karaoké, t'as déjà entendu cette toune-là, mais tu sais pas c'est qui, parce que c'est normal, OK? OK. Mathieu? Ils sont rendus à 14! 14 plus 3 autres. Non, je vends pas ça, c'est un malade. Il me donne un Hulk Hogan en plastique, il dit « Tu le vendras tout à l'heure, t'es un malade. » OK. Alors... J'ai disparu, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai perdu ton bonhomme, JF. Je m'excuse. OK. Ah ouais, donne-moi un... 10$! C'est le gars qui a acheté rien, ça? OK. T'as-tu dit 10 pour rien, on part? 10$! Une fois? 10,50$? Et sais-tu auto-raisé? Tu veux je tire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je fais du temps. C'est correct. Je fais du temps. Hey, et tire. Et tire. Est-ce-tu, hein? Non, mais c'est la face contente. Oui. Tu peux splitter le lot. Tu veux splitter le lot? 2 x 5. Qu'est-ce qui se passe, là? Pourquoi je suis en plein? On aurait-tu pu faire le meeting de production avant, genre? Parce que là... Ah, c'est le film que vous trouvez pas! Ah, oui, mais dites-moi, il m'a parlé de ça pendant 10 minutes, et de vous autres, ça va faire du temps? Hey, il s'est auto-raisé, OK? 10,50$ pour ce beau paquet de cochonneries. 11$! 11$ par là. Moi, je vois rien, hein, j'ai un spot d'en face. Marc-André, 11$! 12$! 13! $13 une fois? Ouais, c'est le plus beau jour de ma vie. Ben attends, mais laisse-moi me rendre à 3 aussi. Alors, encore, là, c'est juste moi qui a fait mon. $13 deux fois? 13$ trois fois vendu! C'est le plus beau jour de ma vie. Non, non, hein, on juge pas les vies des autres. Hein? Bon. C'est pas gentil, OK? Non, mais ça se peut que ça soit le plus beau jour de sa vie à lui, tu le sais pas. Hein? Bon. OK, hey! Ouais, Mathieu, sors des lots. Si on va faire le ménage en arrière. OK, ouais, la toile. OK? Alors, qui n'a pas rêvé d'habiller son mur de salle de bain avec un cadre lait sur lequel il est écrit une phrase que j'assume vide, mais je vais la lire. Ah, ouais, tabarnak, j'avais raison. Dreams are like stars. You may never touch them. But if you follow them, they will lead you to your... Voilà, alors, suis les étoiles dans le ciel, regarde pas en avant dans ton char, puis meurs, OK? Alors, OK, on le dira peut-être pas, par exemple, OK? On va le dire après. Non, je peux pas commencer par le dire, parce que ça marchera pas, OK? C'est avec des images inspirantes, hein, comme un feu de circulation ou une patte de banc de parc pris de vraiment proche. OK? Ou des arches dans le béton. OK? Non, non, mais on s'inspire comme qu'on peut. Voilà. Alors, c'est fait en vraie toile. Ça se tient, c'est tangible. Hein? Voilà. C'est donc un objet réel. Il part donc à 1$. 2$. 3. Comment ça, non? 2$. Pourquoi? Oui, mais je veux dire, il veut monter, lui. 3$. 3,25. Combien? 2. Il se fatigue avec son 2. 5$ pour le gars qui achète rien à 4. OK. 6. 6. 6$ une fois. 7. C'est trop beau, hein? Tout est inspiré, hein? De la ferraille pris de proche, là, c'est quelque chose. 7$. 8. Pas grave, laisse-le faire. 8$ une fois. 9$. 9$ une fois. 9$ deux fois. 9$ trois fois vendu! Oui, alors, il se vendait au départ à 30$. Ensuite, il a été biffé puis baissé à 14,99. Puis là, ben, tu t'en tires, je sais pas combien t'as dit, 9? Mais ben, voilà. 9$! Bravo, un bargain! Come on! Hey, non, on va le refaire, j'ai pas aimé ça. Il a fait tout un bargain! Ouais! Correct, ça s'en vient. De toute façon, on en a pour une heure et quart, fait qu'il va falloir que... Hein? Ah, mais on finit quand même avec, moi, je dis. Ben, parce que moi, je te dis que bon, on va en vendre plus que ça. Tu vas aller faire du ménage en arrière, puis ça, on le va séparer. Oui? Hein? Oublie pas ta table. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, la dame, oui, je sais, oui. Merci. On ça va très bien. On en parlait avant que tu interviennes. Ouais. OK. C'est bon. Tout est sous contrôle. La date, ça va bien. T'es là. OK. C'est l'encore douteux. Avez-vous du plaisir? Ouais. Hey, on va faire de quoi qu'on n'a jamais fait à douteux, OK? Mais je sens qu'on en a besoin. Ça va être important pour communier, pour être ensemble, devenir un et ainsi avoir un bel encan qui s'enligne pour être long en crise. Alors... On va faire la vague, OK? Fait que ça me prend un partant. Ah ouais, pomme-moi ça! Ah ouais, GF, pomme-moi! Ah ouais! Ah, elle va-tu se rendre? Ah ouais! Ah ouais! Arpon! Arpon! Arpon! Ah ouais! Oh! Oh! C'est bol, hein? On vient de vivre de quoi, Nasty, hein? OK. On les vend séparés, moi, je dis. Non? Ensemble? OK, ensemble. Qui n'aime pas le hockey? Vous savez qu'ils peuvent vous retirer vos passeports canadiens, hein, si vous dites ça? C'est pas... Faites attention. c'est le jeu de la NHL, hein? The NHL Game, comme on est excité. Hein? C'est un jeu... d'un jeu d'hockey, hein? Alors, tu l'ouvres, puis là, tu joues au hockey. Okay? Alors, ça vient avec... parce que fuck les dés, hein? La NHL, ça vaut pas de la merde avec les dés. Alors voilà, hein? Tu vois comment c'est hot, hein? On a ici, hein? Comment ça, c'est beau? Hein? Si ça vous tente plus de jouer au bout de 20 minutes, parce que c'est normal, ben, vous pouvez prendre un crayon feutre puis inventer des stratégies. Puis des jeux. Il y a des cartes, hein? Il y a du, c'est du trivia, évidemment. Hein? Hein? Hey, t'invites tes chums à écouter. Il n'y a pas de problème, Bruno. Moi, Jean-Marc Parent, si je suis là autant que t'en veux. Il n'y a pas de problème. OK? Hey, on défonce, Asti! On défonce, Asti! Hey, Reg, parle-moi quelque chose. Ah ouais, j'entends. Sur du Led Zeppelin, ça serait malade. D'ailleurs, on s'en va tout au Tim Hortons après, en hélicoptère. Avec, let's go. Et, évidemment, hein, on n'est pas chien, on ne vend pas le jeu tout seul, parce qu'on ne l'avait pas ouvert avant, mais une fois qu'on l'a ouvert, on ne le vend pas tout seul, OK, c'est chien. Ça vient avec un beau chandail des Blackhawks de Chicago. Alors voilà. Dans le temps que Huet jouait au centre, là-bas, il gagnait deux coupes. OK. Ça vaut donc très cher. Il était pas bon, on le huait. Hey, j'ai déjà entendu cette joke-là. C'est un gars qui appelait Aaron Fournier dans le temps. Ah ouais. OK. Le chandail est en tissu. La boîte est réelle. Ça part à 1$. 2$. 2$ et 5. Non. 3$. 4. Non, monte de 50 cents ou bien monte plus, là, cette année, OK? Ouais. Je le sais. C'est, à combien je suis rendu, là? 5$! 5$! Laisse le monde tranquille, aussi, Michel. 5$ une fois! 5$ deux fois! 6$! 6$ une fois! 7$! Une fois? 10$! Ah non, mais il donne 4 pour rien, lui. Il donne 4 pour rien. C'est sûr que tu mets un chandail et un board game, il met 10. 10$ une fois! 10$ deux fois! 10 et 50! Une fois! Je vais aller me tuer une fois! Non, OK. 10 et 50, deux fois! 11$! 15$! Wouh! Lui, c'est joué, lui. 15$ une fois! Non, il y a juste trop d'argent pour lui. Ben, laisse-les faire! Veux-tu le laisser faire? 15$ deux fois! 15$ trois fois vendu! Ah, il fait chaud, ça. Hey, je pensais jamais m'ennuyer de Godette de même. Il amène les films, hein, d'habitude. Parce que la semaine passée, on n'avait pas le film non plus. C'était très le fun. On s'est comme réunis 10 secondes avant que 70% commence. Oui! J'ai une bonne nouvelle. Non! On a un film. On a un film, OK, c'est pas pire. Il y a Steven Seagal dedans. C'est vendu. Mais vendu. C'est l'autre film. Attends, faut faire la... C'est Express en péril. Express en péril, c'est correct. Je ne crois pas que les gens vont s'offusquer que ce soit hey, un train au lieu d'un bateau. C'est Steven Seagal avec des fusils, là, t'es correct. Non, mais pour vrai, c'est pas grave parce que Express est vraiment meilleur. Bon, voilà. Fait que je laisse Toto là-dessus façon, s'organiser. Merci, finis-moi ça. Mais... Hey, va-tu falloir que je fasse de la discipline, là? Va-tu falloir que je fasse de la discipline? Bon. J'aimerais ça qu'on donne une grosse main à Mathieu Potvin, s'il vous plaît, technicien en chef. Et une bonne main d'applaudissement aussi à JS qui a pu trouver le film. JS, je te voyais pas! Je te voyais pas! Et à Bruno Corbin. OK. Pour son compte Facebook. Hey! Mon Facebook, c'est avec mon Facebook! Bon, hein? Voilà. Merci. Là, ça va faire le vendage de cochonneries. Là, on a des choses sérieuses à vous vendre, OK? Parce que c'est important, hein? Si on peut le voir. Ton nom, c'est Valérie? Valérie, oui. Voilà. Ah, c'est hot quand même. Ben, écoute, t'es hot. Avec la mémoire que t'as, c'est à l'âge que t'es rendu, c'est hot quand même. Oui, écoute, t'as-tu envie de... Viens nous voir, là. Valérie, mesdames, messieurs! Hey, gars, ça, c'est beau. Comme si j'avais... J'ai rien gagné, mais... Je sais pas, je posais avec la photo, avec le dessin. J'ai le droit. OK. Non, mais pas du tout. Écoute, parle-nous un peu de ton dessin. Voilà. Ben, premièrement, c'est une pin-up. Ça tombe bien, on est le 11 septembre, journée USC. Fait que ça fit. Puis... Secondement, ben, j'ai décidé d'utiliser un peu des éléments qu'on a eu ce soir. Fait qu'il y a le FME 2017 sur le gouvernail, c'est comme ça que ça s'appelle. Avec la date. Oh, ouais. Wow! C'est un original, là, c'est vrai? Elle a des belles cuisses! Puis vous avez malheureusement parlé de Pokémon, fait que j'ai mis un Vaporeon dans le bas. Yeah! Ça vient, c'est good, ça. Elle a un tatou sur lequel est écrit « Stand by me » parce qu'on a parlé de « Stand by me ». Et sur son avant-bras, c'est douteux.org. Je ne sais pas ce que j'ai d'autre à dire à part que c'est une aquarelle dessinée avec plaisir, sans lumière à la moitié du dessin. Ben écoute, c'est fantastique. Hey, bravo! Ben oui, il est fantastique! Moi, ça fait genre 15 ans que je me cherche un beau tatou de dos. Tu sais, mais un beau, là. Hein? Ça serait beau, on vous dit. OK. Fait que... Merci. Non, mais en humoriste, on peut rire, on peut s'aider. Hein? Merci, c'est du pity laugh, mais je le prends. OK. T'es bonne, ma joke. Tu veux, lui, il connaît ça. Il écrit des jokes dans la vie. OK. Hey, donnez-moi un prix qui se peut, là. Sinon, c'est chien, OK? 20$. Tous les profits de ça, le reste, on se le crise dans les poches, mais ça, ça va aller, OK? Le reste, on mange chaud avec, mais ça, on va tout te redonner, OK? 20$ une fois! Oh non. Attends, tu t'en allais acheter un chandail du Canadien puis une boîte à 15$? Ah oui, il n'y a plus rien, lui, c'est vrai. OK. 20$ deux fois! 21$! Ah non, mais tranquillement. 22, ben oui. 23. 25. 26. 30. Tabarnache. Non, mais lui, il travaille pour Ultramar, genre, c'est le mal, si. Pour vrai? T'as repris ton âme. J'adore ça. OK. 30$ une fois. 30$ deux fois. 32$! Une fois. 35$! Je pense qu'il comprend pas c'est quoi ça, c'est quoi le chômage. Il faudrait qu'il regarde un peu. Mais bon. OK. 35 une fois. 35 deux fois. 36$! 36 une fois. 36 deux fois. 36$ trois fois vendu! Non, Mathieu, si c'était ton argent pour le gaz comme l'autre fois, on peut s'arranger. Hein? OK. Hey, voilà! C'est bon, là, hein? On est tout seté. Fait que le film... écoute, on n'avait pas le film, fait que j'assume qu'on n'avait personne pour venir faire le speech dessus. Non, ben personne. OK, fait que c'est Steven Seagal. Il y a du monde en péril. Puis là, à un moment donné, il fait des coups de pied, puis après, il gagne. Puis ça se passe dans un train. Il y a une fille d'un gâteau, nous dit-on, ça c'est quand même hot. Ça se passe dans un train, hein? Express en péril. La fille dans le gâteau, c'est dans le premier. La fille dans le gâteau, c'est dans le premier qu'on nous dit. Fait que là, on connaît rien. Hey, alors, c'est quoi ton nom, s'il te plaît? Philippe. Alors, c'est Philippe qui va nous parler du film, mesdames, messieurs! Ben, viens nous parler du premier, on va assumer que c'est toutes des choses qui se passent pas. Fait que, avez-vous vu Die Hard? OK. Fait que, vous avez vu Cuirassé en péril. Fait que, vu que vous avez vu Die Hard, vous avez vu Cuirassé en péril. C'est bon? Avez-vous vu Cuirassé en péril? Ben oui! Ben oui! On suit un peu, vous avez vu Die Hard? OK. Fait que, si vous avez vu Cuirassé en péril, vous avez vu Express en péril. Ah! Tout s'éclaire! Mais sauf que dans Express en péril, il y a un noir qui parle trop. Ah! Oh! Ce qu'il n'y avait pas dans le premier. Puis à un moment donné, ça, en tout cas, c'est vraiment bon. Là. Ça, c'est la meilleure fin de phrase d'une critique de film. Puis là, à un moment donné, là, c'est vraiment bon. J'adore ça. Bruno Corbin, mesdames et messieurs! Fait que c'est ça, Chanel. On va passer la boîte! Parce que comme notre pilosité le fait savoir à l'odeur, on est pauvre. Donc on va passer la petite boîte. C'est pour donner du change aux besoins, hein, comme 4 piastres pour rien, mettons. Et voilà. Et s'il y a des gens qui tiennent absolument à venir voir mon nouveau bonhomme, Hulk Hogan, je vais le montrer tantôt. On touche pas, mais je vais le montrer tantôt aux gens qui viennent me voir. Sur ce, un gros merci à tout le monde. Il y avait Marianne aussi qui a fait de la musique aujourd'hui. Marianne, s'il vous plaît. Oui. On a eu JF qui était l'humoriste. Pas l'humoriste, ben c'est un humoriste, mais il était invité ce soir. Sinon, on a-tu fait de l'auto? On a fait de l'auto! Bon film! Donc, bonjour, je suis Dragnet à 70%, pas plus. Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à cette soirée douteux.org. Évidemment, on va commencer sous peu 70%. Ce soir, le film que vous avez voté est bien sûr Cuirassé en péril. Je vous souhaite un bon 11 septembre. On va commencer en douceur avec notre humoriste de la relève du départ. Donc, on y va avec Sam Bergeron. Bienvenue, Sam. Merci, Andy. Et bonsoir, tout le monde. Bonsoir, le douteux, ça va bien? Yes. Donc, dans la même veine qu'Andy, est-ce que vous passez un bon 11 septembre? Yes! Savez-vous qui n'a pas passé un bon 11 septembre aujourd'hui? Toutes les personnes qui se sont faites demander « Où est-ce que tu étais? » Toutes les personnes qui se sont faites raconter où est-ce qu'ils étaient par d'autres personnes. Tu sais, ces personnes-là qui sont comme tellement contentes de te rappeler où est-ce qu'ils étaient, qu'est-ce qu'ils faisaient pour te montrer qu'ils s'en souviennent, tu sais. Moi, je m'en rappelle pas parce que c'est pas important. Non, mais je sais pas si vous avez vécu ça aujourd'hui, des gens qui vous racontent comment ils étaient dans leur cours d'école, puis où ils sont rentrés en classe, puis après ça, il y a eu un message d'avertissement qui a interrompu votre catéchèse pour vous dire que, il y a eu une attaque. Puis toi, il fallait juste que tu regardes cette personne-là, puis tu souris en faisant une face d'intéressé, tu sais. Je le sais, t'étais où le 11 septembre? Si t'as le même âge que moi, à vrai dire, si t'as entre 22 et 28 ans, t'étais à l'école. Si t'étais pas à l'école, t'étais soit malade, donc t'étais dans un hôpital, ou bien t'étais dans une des tours. Je t'annonce que c'est les seules possibilités que t'avais. Ceci étant dit, ben bonjour, je suis très content. Je vais venir vous faire une petite chronique littéraire aujourd'hui. Wouh! Hourra pour la lecture! Donc, emballez-vous pas trop, là, ça va être quand même un livre. Il n'y a pas d'image. En fait, non, il y a des images, vous allez voir, c'est assez écœurant. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui lit énormément. En même temps, je veux dire, j'ai mes moments. Qui ne s'est jamais doigté furieusement en lisant Simone de Beauvoir? Hein? Am I right? Le deuxième sexe! Woo! Donc, pour renouer avec la lecture, je vous propose d'explorer un petit bijou de littérature, quelque chose qui va remettre les pendules à l'heure pour tout ce qui concerne ces débats-là envers les identités sexuelles, les genres, qu'est-ce que c'est qu'être une fille aujourd'hui dans une société moderne. Alors, je vous offre, mettez vos mains ensemble pour nul autre que... Ce sera pas bien long. Le Dico des filles 2008! Donc, le Dico des filles 2008... 500 pages de pur bonheur, truffées d'évidence scientifique. C'est drôle parce que tu regardes le cover et c'est l'heureux mélange entre un grimoire et la revue Cool. pour ceux qui ne savent pas, cet ouvrage a été rédigé par nul autre que Dominique Alice Rouillé, qu'on connaît tous pour ses autres ouvrages de référence, hein? Le Dico des filles 2002, Le Dico des filles 2003, vous avez compris. Il s'en fait encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, on a eu la parution du Dico des filles 2017, le vrai, l'original. Ça a pris 16 éditions avant d'arriver à quelque chose de vrai. Ça vous dit quelque chose? Donc, Dominique Alice Rouillé n'utilise aucune source bibliographique dans son ouvrage. En même temps, est-ce qu'on devrait s'attendre à ce qu'elle aille puiser dans d'autres connaissances quand elle-même, elle a quand même un solide background de journaliste et philosophe? Et quelle est la madame? Et quelle est la madame? Donc, on va commencer. Premier passage qui m'a marqué dans ce livre-là, c'est qu'il y a un spécial Québec! Ouais! Les Français ont pensé à nous. 400 ans en retard, mais ils ont pensé à nous! Donc, il y a des images. En plus, c'est super beau. Il y a plein de belles photos pour représenter le Québec de 2008. Et quoi de mieux pour représenter le Québec de 2008 que le Château Frontenac? Les jumelles Scoropade, tu sais, les jumelles blondes qui animaient BO2 à Musique Plus? Et les têtes à claques! Tu sais qu'il était déjà has-been en 2006, là? en tout cas, on est bien content de voir que le Château Frontenac a encore la cote, lui. Fait intéressant, ce livre-là est dédicacé par nul autre que les jumelles blondes Scoropade. Donc, ça, en ce moment, si ça vous fait pas capoter, transposez-vous en 2008 et je devenais la fille la plus cool de la cour d'école en ce moment. Aujourd'hui, par contre, on n'entend plus beaucoup parler des jumelles Scoropade. Il a fallu que je fasse mes recherches. Ben non, c'est dommage. Il a fallu que je fasse mes recherches et j'ai trouvé sur leur page active Wikipédia qu'il y a... Oh oui, une page active. En tout cas, je ne sais pas si c'est actif, mais aux dernières nouvelles, Audrey, elle a 22 ans, elle est naturopathe et enceinte. C'est... Ils sont vraiment pareils, ouais. C'est dur à dire. Je te dirais c'est elle, mais je le sais pas. Hein. Puis il y a Fée, qui a un nom de créature mystique. Tout le monde est chill avec ça. Fée qui est photographe, puis elle aime aussi cuisiner et jouer avec ses chiens. Donc, le plus, vous en savez. Hein? Am I right? Donc, il y a une rubrique, attention, danger, et ça dit... Offrir son corps en échange d'un lecteur MP3, c'est de la prostitution. Hein? Non, mais c'est quand même. Oui, oui, vrai. Je sais. Qui n'a jamais sucé pour un iPod? Je le sais. Qui dit dico dit dictionnaire. Donc, il y a une rubrique, en fait, qui occupe la majorité du livre et ça décortique des mots donc, de façon alphabétique. Donc, des mots qui sont nécessairement rattachés aux filles. On va commencer par l'acné. Cachez vos boutons, mesdames. T'sais. C'est pas avec des impuretés que vous allez faire de la parenté. OK. Ça démystifie un paquet d'affaires. Ça répond à des questions vraiment importantes comme est-ce que avoir des rapports sexuels peuvent guérir l'acné? Et je vous confirme que oui. D'ailleurs, le sperme est un excellent exfoliant pour la peau. Je l'ai lu dans le Dico des garçons 2007. Non, je vais être honnête avec vous, je suis pas très fier de cette rubrique-là. S'il y a une question comme ça, ça veut dire que les filles se la posent. Ça veut dire qu'il y a des gars qui continuent à manger de l'ananas en faisant croire aux filles que ça va faire goûter le sperme sucré. OK. Ça goûte acide? OK. Moi, je trouvais que ça goûtait pâteux, mais ça, ça n'a pas rapport. OK. La section blues. La section blues, en fait, m'a fait réaliser à quel point les jokes s'écrivent d'elles-mêmes. C'est blues, la déprime, pas genre blues Ray Charles. C'est drôle, en fait, de voir, mettons, la section avoir aussi. T'as les mots ennui, fatigue et suicide. Moi, ça fait 2 ans que j'écris de l'humour. J'essaie de faire des bonnes jokes en utilisant des procédés. Puis, dans ce livre, toutes les meilleures règles de 3 sont là. C'est plus une joke d'humoriste, celle-là. Ça me fait plaisir. Pas de problème. Vive la règle de 3! Ben maintenant, vous en savez plus. C'est de l'éducation que je fais aujourd'hui. Regarde, ça fait plaisir. Donc, la section être féminine. C'est quoi être féminine? Hein, là, écoutez les filles, là, c'est super important. Là. On peut être féminine en pantalon ou en jupe. Ben ouais! Tu parles d'une affaire, toi! Cheveux longs ou cheveux courts, ce qui compte, tiens-toi bien, ce qui compte, c'est se sentir bien. Ouais, c'est vrai, ça. C'est vrai, ça, ouais, ouais. Là, après ça, on y va avec le deuxième point, ça dit « Avec les garçons, restez filles. » C'est l'heure de prendre un point puis de le colisser au vidange après. Double standard, vous êtes soit prudes ou vous êtes des guédailles, mesdames. C'est ça. On va terminer avec la section qui m'a fait le plus réagir, la section homosexualité, avec le sous-titre « Et si ça m'arrivait? » On parle de confusion des sentiments, donc c'est normal qu'on se pose des questions quand on est jeune. Mais pas de panique, dit le livre. Les psychologues disent qu'il faut attendre le début de l'âge adulte, soit 21 ans, pour être vraiment fixé sur sa sexualité. N'est-ce pas, hein? Ça, je sais pas. J'ai des petites retenues parce que moi, j'ai 24 ans. Je suis pas gay, mais je dirais quand même pas non si Guillaume Lemaitre venait s'asseoir sur ma face. Mais en tout cas, ça, c'est pas le contraire parce qu'il y a de la barbe. Pis ça, ça pique, mais donc, je serais ouvert. En tout cas, La section pas d'enfant. Quand on aime quelqu'un, on a naturellement envie d'avoir un enfant avec lui. N'est-ce pas? Et ça, oh non, ça s'améliore, vous allez voir. C'est ce qui fait souffrir les personnes homosexuelles. Elles savent qu'elles ne pourront pas avoir d'enfants avec une personne du même sexe. Moi, je pensais que c'était une des joies d'être gay, ça. Tu sais, comme, ah, oh, notre valeur, on ne pourra pas avoir d'accident. Je pensais vraiment que c'était un des bonheurs, un des avantages à être gay, ça, puis boire un drink avec une paille twistée ou d'être receveur dans une équipe de sodomie, je sais pas. Là, ça se rattrape en disant « Personne ne se réduit à sa sexualité. » Donc, comme tout individu, les personnes homosexuelles ont des qualités et des défauts. Ben ouais! Hey, ça dit même qu'elles peuvent être généreuses ou égoïstes. Fidèles ou volages. Désintéressées ou manipulatrices. C'est bien maudit quand même, hein? Les gays sont comme tout le monde. Ça paraît... Hey, arrivé en 2008, tout le monde... C'est un livre que j'ai trouvé dans une vente de garage et laissez-moi vous dire que ça valait toutes les 2 piastres que j'y ai dépensées. suivez-moi, la semaine prochaine, on va décortiquer. Marxisme, est-ce que c'est une idéologie ou une marque de vélo? On va suivre ça. Merci beaucoup. Sam Bergeron, mesdames et messieurs. Tu veux participer à l'évolution de Production Podcast? Deviens partenaire et contacte les Productions Podcast en visitant la page Facebook Production avec un S, Podcast, P-O-D-C-A-S-S-E, ou écris-nous à podcast@commercial.icloud.com. Fais partie de l'aventure Production Podcast. Pour plus de détails, visite podcast.com.